Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, 6h23. Je vous dis bonjour parce que c'était le replay, bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas là hier. C'était les meilleurs moments de la veille. Voilà, et là, nous sommes là jusqu'à 9h30. La bonne nouvelle du jour, c'est vendredi. Ouais! La moins bonne. La moins bonne, c'est que ça pèle. Hein. Et que j'ai dû gratter ma voiture ce matin, c'est le début de la fin. Dis donc, tu racontes ta vie là, non? Oui, bah oui. Ah là, bon, là, ça semblait bien. Non, mais c'est parce que... non, c'était pour être sûr. Hein. Non, non, mais là, c'était pour être sûr. Oui, oui, j'ose bah, comme ça étaler ma vie. C'est vrai, devant, sa vie privée, exactement. Enfin, c'est... Ouais, je sais. Et donc est-ce que t'as gratté ton mec ce matin aussi? Oh, toi. Écoute, il dormait profondément, donc. Ah bah, il valait mieux le laisser dormir. Bon, et donc, du coup, bah forcément, bon courage à tous ceux qui vont sortir là, parce que oui, ça va cailler, oui, il fait froid, et bah oui, ça va. Durer comme ça et que c'est ouais, voilà, c'est ça. Vous sortez, vous vous dites il fait chaud, vous sortez en t-shirt et c'est bon. Bah ouais, mais bon, écoute, là c'est parce que psychologiquement tu te dis qu'il fait froid. C'est ça, attends, ouais. Psychologiquement, moi c'est ce que je me suis dit en sortant de ma maison et après en voulant, tu vois, démarrer, je me suis rendu compte que c'était super gelé, quoi, ma bagnole. Donc là, ah oui, tout de suite, je me suis rendu compte que ça caillait bien, quoi. Bien sûr, il fait super froid. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il est 6h24 ce matin. Nous sommes ensemble évidemment jusqu'à 9h30 avec pas mal de choses ce matin puisque nous allons vous offrir évidemment encore les écrans plats. Il y en aura 3 à gagner ce matin puisqu'il y en a un par heure. Écran plat ou Nintendo Wii, ça c'est vous qui choisissez bien évidemment, hein. Ce sera dans la petite énigme qui colle que je vais vous annoncer dans quelques instants. Nous aurons aussi la ligne anti-relou, ça aussi ça va débarquer d'ici quelques d'ici un petit quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes, la ligne anti-relou au 0473 86 0013. Nous aurons également pas mal de sons, on en parlera évidemment tout à l'heure. On fera chier du monde, Tof, on l'appellera qui aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui nous allons appeler des familles. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis tombé sur un sondage en fait qui dit que les femmes acceptent plus facilement que leur mari les trompe. Ah d'accord, d'accord. Et donc, ok. Je vais aller vérifier dans les. Tu familles. Vas essayer de draguer. Non, je vais juste vérifier s'il pardonnerait dans les familles. D'accord. Allez, c'est pour ça heureusement que tu es là, Tof. Mais oui. Et c'est pour ça qu'il s'est mis aujourd'hui en costard. Voilà. Oui, alors ça, parce pas qu'il doit, il doit draguer au téléphone, il trouver l'erreur. Bah ouais, voilà. Draguer, non mais c'est normal. Pour draguer, il fallait que je me mette bien, quoi. Mais bien sûr, non mais bien sûr, mais t'as raison, mais t'as raison. Bah voilà. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on aura aussi des places pour la Smart Cup et bien sûr, nous rembourserons cash vos factures. Vous connaissez le principe maintenant, hein, c'est un petit peu comme ça. Chaque jour, pardon, vous envoyez vos messages au 6322, c'est un euro le message. Débutez ce message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme des messages qui sont arrivés, tiens, depuis hier et ce matin aussi. 35€ pour la première consultation, je ne sais pas où, mais première consultation. 33,82€, c'est pas l'album de gynéco. Ça fait cher pour un album, est-ce que j'allais dire? Ouais, je me doutais, c'est pour ça que j'ai préféré tuer l'album, tuer la vanne directement, parce que ça va être une vieille vanne. 33,82€ pour les 3 Suisses, 200€ pour l'entretien voiture, 82€ chez 3 Suisses. Eh, ils cartonnent 3 Suisses, hein, c'est-à-dire que entre. Ouais, mais c'est parce qu'il y a la promo, c'est la grosse promo de la rentrée là. D'accord, ok, c'est ça le truc alors. Bon, 500€ chez 3 Suisses, ah oui, il a bien profité de la promo, hein. 21,30€ pour la mutualité, 125€ pour un anniversaire, 80€ pour la société Nuon Électricité. Bref, si vous aussi vous voulez content de vous rembourser votre facture, on fera ça à 7h10, 8h10 et 9h10. Inscription dès maintenant, 6322. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis on va faire la petite devinette qui colle maintenant là. Écoutez bien, écoutez-la bien. Alors attention. Vous êtes prêts? On est là, prêt. Oui. On s'accroche, attends. Il y a du lourd. Là, on est accroché. Tiens-moi, Julie, tiens-moi. Bon, oui. Très bien. Alors, attention. Écoutez bien. Arrache-moi, griffe ma tête, et du rouge viendra le noir. Ouais, on a bien fait de s'accrocher. Bah quoi, elle est super facile, non? Ouais, non, évidemment. Ouais. Peut-être parce que j'ai la réponse sous les yeux aussi. Hein, bref, ah, mais non. Je la remets. Arrache-moi, griffe ma tête, et du rouge viendra le noir. Ok, bah écoute. Un indice? Bah, c'est ce qui a succédé au Silex. Oui, oui, effectivement, c'est vrai, tout à fait. Si vous avez la bonne réponse, 6322, il y aura peut-être un autre indice tout à l'heure. 6322, c'est un euro le message, écran plat à gagner ou les packs Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Et dans un instant, c'est Peter Lutz qu'on écoute sur Fun Radio avec Little Rouge. Ce sera Hands Up sur Fun Radio, restez bien là tout de suite. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's a morning time affair. Shut it. Mickaël. Fun. À la radio. Fun radio. Yeah. 6h28 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est vendredi aujourd'hui, 14 octobre, et nous allons passer aux infos dans un petit instant, ainsi qu'à la météo, évidemment, avec l'info en plus. Je vous rappelle d'abord, une petite fois supplémentaire, la devinette qui colle de ce matin pour repartir avec un écran plat ou les packs Nintendo, et avec la console, les jeux et les manettes. Je vous rappelle qu'il y a un écran plat à gagner chaque heure sur Fun le matin. Arrache-moi, griffe ma tête et du rouge viendra le noir. Ça a succédé au silex, effectivement, et c'est, on va dire, l'invention avant le briquet. Je sais pas si c'est vraiment avant, mais enfin bon, en tout cas, ça peut servir aussi de la même manière, mais c'est plus chiant, quoi, en fait, voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, 1€ le message, bonne chance tout le monde, et c'est parti maintenant à 6h29, un peu avant les autres, c'est l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, une réunion entre syndicats et direction ArcelorMittal devait se tenir hier, mais elle a été annulée, et ce matin, on ne sait toujours pas quand elle sera reportée. La fin de l'acier se profile dans le bassin liégeois, et il est difficile pour beaucoup de travailleurs d'envisager l'avenir. L'annonce de la fermeture à chaud d'ArcelorMittal est également un coup de massue pour tous les commerçants des environs des sites concernés dans le quartier. Cela fait des années que les affaires sont touchées par la crise de l'acier. De son côté, la ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, a invité l'ensemble des parties à chercher des solutions pour préserver l'activité. La Belgique aura donc un gouvernement tripartite sans les Verts. Jean-Michel Javot des Écolos est perplexe, mais les présidents Écolo et De Groen ont confirmé qu'ils resteraient loyaux à l'égard de la réforme de l'État à laquelle ils ont contribué. Les partis qui prépareront le volet budgétaire et socio-économique de l'accord du gouvernement seront donc le PS, le CDNV, le MR, la SP, le SPA, l'OpenVLD et le CDH. La NVA critique la formation sans majorité côté flamand et Olivier Minguindé, FDF, affirme que les Flamands imposent leurs préférences. 39 communes wallonnes voteront encore électroniquement en 2012, malgré la volonté du gouvernement wallon d'en revenir au vote papier. 39 communes wallonnes sur 263 maintiendront le vote électronique pour les prochaines élections communales et provinciales, qui appelleront l'année prochaine aux urnes 2,5 millions de citoyens. Plusieurs modifications devraient entrer en vigueur à cette occasion, qui touche davantage les élus que les électeurs. La plainte de Tristan Bannon contre Dominique Strauss-Kahn est classée sans suite. Les faits sont reconnus en tant qu'agression sexuelle, mais datant de 2003, ils sont prescrits pour le parquet de Paris. La romancière avait prévenu que si le parquet prenait une telle décision, elle déposerait immédiatement plainte avec constitution de partie civile. C'est ce que son avocat a confirmé. Dominique Strauss-Kahn, lui, a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. En Grèce, les syndicats doublent à 48 heures le rappel à la grève générale les 19 et 20 octobre prochains. Le 19 octobre est la date à laquelle le projet de loi incluant les nouvelles mesures d'austérité doit être voté. Et puis Standard & Poor's abaisse d'un cran la note de l'Espagne, passant à A-. L'agence de notation cite les perspectives incertaines de croissance du pays et la probable poursuite de la détériorisation du système financier espagnol. Et restez bien là, dans un instant il y aura le son de Peter Lutz avec Lynn LaRouge, ce sera NZAP et la météo maintenant avec Julie toujours. Alors dès les éventuelles nappes de brume ou de brouillard dissipées, le temps sera lumineux. Bon alors, et couvrez-vous, il fait quand même caillant ce matin. Oui, de 0 ce matin, ça caille, oui. À 6 degrés, j'ai même du gratter ma voiture. De 10 à 15 degrés cet après-midi, donc sous un beau soleil. Ce week-end, toujours un beau soleil en perspective et des nuits très froides. Oui, la nuit, ça caille, ça, c'est, y a rien à dire. Peter ouais. Lutz arrive dans un instant avec Lynn LaRouge. Et puis, quelques petits indices au niveau de la devinette qui colle. Quelqu'un proposait, c'est Céline qui proposait le charbon. Ce n'est pas la bonne réponse. Fun Radio. Fun Radio. Bon, l'info en plus d'abord à 6h32. Alors, c'est une info en plus qui pourrait être un scénario de film hollywoodien. Ouais. Ce sont. Merci pour le bruitage, toi. Ce sont des trois joueurs au casino qui ont triché avec une technique bien particulière. Ah ouais, j'ai entendu ça, un truc de fou. T'as entendu, ouais. Alors, ouais. C'est donc ces trois joueurs italiens. Et ils avaient donc mis en place une escroquerie très ingénieuse. Ils arnaquaient donc le casino avec des lentilles à infrarouge. Exactement, et des cartes spécifiques et tout, c'était voilà, un truc exactement. De dingue. Exactement. Donc ils avaient trouvé le système donc, de mettre des lentilles à infrarouge pour repérer des traces qu'ils avaient mis sur les cartes importantes. Comme par exemple sur un roi, ils avaient mis une petite croix, sur un as, une barre. Et donc, avec ces lentilles infrarouges, ils pouvaient voir, entre guillemets, l'espèce d'encre qui se révélait seulement c'est à leurs énorme, yeux. C'est énorme. Donc, une technique plutôt efficace, puisqu'ils ont remporté quand même 44 000 euros au casino donc à Cannes. Ouais. Et là. Et 28 000 le lendemain. Ouais, ouais. C'est ça qui sont cons, c'est que. Enfin bon. Forcément, ça a éveillé les soupçons. Bah ouais. Ça, c'est le problème. Le casino, ils te disent venez gagner de l'argent, mais dès que tu en gagnes un peu trop, bah là, ils sont pas super contents, donc ils ont tendance à te surveiller. surveillés. Et donc ils ont été mis sous surveillance et le lendemain, comme tu dis, bah, ils ont gagné 20 000 euros. En plus, là, ils ont été arrêtés, une enquête a été menée, etc. Et donc voilà. Donc ils avaient mis en place quand même un système plutôt ingénieux et pas con. Mais ouais, mais au lieu de s'arrêter et de se dire, tiens, dans un mois ou deux, on va recommencer, tu vois, pépère, quoi. Non. 44 000 euros, c'était pas assez. C'est l'appât du gain et c'est dommage. Bon, très bien. Peter Lutz avec Lynn LaRouche, c'est Hands Up sur Fun Radio. Et puis, je répète la petite devinette. Arrache-moi, griffe ma tête et du rouge viendra le noir. J'avais dit que c'était quelque chose qui avait été inventé avant le briquet et quelqu'un propose la lave. Oui, la lave d'un volcan, effectivement, Manu de Thuin. On l'a pas inventé, on l'a reçu. On a toujours un peu dans sa poche. C'est vrai, c'est plus pratique. C'est quand t'allumes une clope, c'est quand même plus. Franchement, t'as pas de briquet, tu dis, je vais prendre de la lave. Il y a un volcan à côté, je reviens. J'arrive, vous inquiétez pas. Non, mais pauvre auditeur, on n'a pas précisé que un indice encore, on peut en avoir dans sa poche, quoi. Ouais, c'est vrai, on peut en avoir dans sa poche. Et alors, quelqu'un a proposé le soufre. Non, pas du tout, ce n'est pas du soufre. Si vous avez la bonne réponse, 6322, euros le message, écran plat à gagner ou les packs Nintendo. Oui, bonne chance. Côté musique, je vous l'ai annoncé, je vous le rappelle, c'est à 6h35, c'est Peter Lutz qu'on écoute avec Lynn LaRouche. C'est Hands Up, bonne matinée sur Fun. Peter Lutz sur Fun Radio, l'instant avec Lynn LaRouche. C'était Hands Up sur Fun Radio, 6h38. Et pour ceux qui voudraient éventuellement aller réveiller la Belgique avec Sébastien Loeb, il était à Bastogne avant-hier, il était sur Forêt à Bruxelles hier et aujourd'hui il sera à Anderlecht. Pourquoi Anderlecht? Car évidemment ce week-end, dimanche à 18h, il y aura le gros battle Anderlecht Standard. C'est Standard Anderlecht ou Anderlecht Standard? C'est Anderlecht Standard. Anderlecht Standard. Et donc forcément on s'est dit qu'il était judicieux d'aller éventuellement voir un peu ce qui se passe à Anderlecht, sachant qu'ils partent favoris. Bon, il faut qu'il aille au stade. C'est juste à côté de là où moi j'étais à l'école. Bah alors lui il me dit qu'il sera avenue Théo Verbeek. C'est pas du tout par là, je pense. Ah mais non, il faut qu'il aille. Ah ouais. Il faut aller rue de la Procession, Lop. Bah rue de la Procession. Donc voilà, Lop sera rue de la Procession. Donc on va lui envoyer un message pour lui dire de chambouler son plan. En même temps, il a le temps, c'est dans une heure. Ouais, voilà, et puis c'est à côté. Ouais, mais ça se trouve, il part de Liège maintenant, on sait pas, hein, parce qu'il habite là-bas aussi, il faut le savoir. Bref, donc rue de la Procession tout à l'heure à Anderlecht pour un petit Mickaël Réveille la Belgique accompagné de Sébastien Lop. Julie, tu voulais nous parler de... Bah de Nicolas Sarkozy. Ah oui, c'est vrai, Nicolas Sarkozy qui arrive bientôt en fin de règne. En fin de règne, oui. À mon avis, il va partir en campagne, hein. Ça ira pas de grands problèmes oui, là-dessus. Oui, oui. Alors moi j'ai quand même deux petites histoires à raconter par rapport à Sarkozy. Sarkozy aime la chirurgie esthétique et Sarkozy ne paye pas ses tournées dans les bars. D'accord. Alors je vais commencer par la chirurgie esthétique. En fait, il était dans un avion, il a discuté avec un journaliste d'un journal français, donc en France, forcément journal français. Ouais. Et puis il discutait un peu de la chirurgie esthétique. Et alors Sarkozy disait oui, la chirurgie esthétique c'est bien quand on a une infirmité ou un gros défaut, sinon c'est dangereux. Alors faut quand même rappeler que Sarkozy sort avec Carla Bruni qui est quand même refaite, mais bien refaite quoi. Ah ouais. Bien tirée. Là, il va falloir la refaire de nouveau parce que comme elle est enceinte là, si tu veux. Ça va faire des vergetures tout ça. Ah bah, à un moment, il va falloir trop faire. Hein. Donc voilà, donc c'était un peu. Alors il paraît que dans l'avion, c'était un peu gêné autour de la table. Tout le monde se regardait un peu de façon. Enfin, autour de la table, parce que c'est les avions. Oui, si je dis autour de la table, tout le monde va pas comprendre dans un avion. Mais c'est les avions qui transportent les présidents sont quand même très luxueux. Donc il y a des tables. Hein. Ils ont des tables, des lits, des piscines, enfin tout. Non, pas de piscine, mais ils ont des trucs quand même bien. Et donc c'était un peu des regards gênés dans l'avion et tout ça, parce que tout le monde sait très bien que forcément il est avec Carla Bruni et que Carla Bruni, eh bien, elle est vachement accro à la chirurgie esthétique. Mais dans la fin de la conversation, il a quand même Sarkozy dit « Je ne considère pas comme de la chirurgie esthétique le fait de se faire stimuler le collagène naturel par un laser. Ça lisse la peau et ça donne bonne mine. » Et là, il s'est tapoté la peau. Donc maintenant, on sait que Sarkozy se fait stimuler le collagène naturel. Il a raison, il gagne. Pourquoi pas? En même temps, il dort jamais. Donc il y a un moment, il faut bien passer par ça, sinon le mec est mort. Non mais voilà, pourquoi pas. Et puis Sarkozy ne paye pas ses tournées dans les bars. Il a été boire dans un petit bar La Ville Telette, comme ça vous savez le nom, dans un petit village français. Il a débarqué là, très sympathique, il a commencé à discuter avec les gens et tout. Ah oh, bah tiens, je paye ma tournée, le patron et trop content. Sans payer. Et il s'est barré sans payer. Ah, c'est bon ça. Voilà, et le patron n'a pas osé réclamer les cafés qu'il avait offerts à tout le monde, parce que bon, c'est quand même le président. Justement, raison de plus, il devrait montrer l'exemple. Mais voilà, justement. Parce que là, il montre l'exemple de ce qu'il appelle la petite racaille, la vermine. D'aller pas payer. Bah bravo, tiens. Voilà, Sarkozy se fait simuler le collagène et ne paye pas ses tournées. Voilà, comme quoi. J'aurais fait payer double, moi. Nous, on n'a pas eu de gouvernement pendant longtemps, mais l'avantage, c'est que je pense ceux qui y allaient payer. Oui, a priori. En tout cas, on l'a pas entendu de choses inverses, en tout cas. Bon, on revient dans un petit instant avec la ligne anti-relou, évidemment. Et puis, l'info trafic, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, dites-le nous, on en parlera dans 5 minutes. 30,44 par SMS et 50 centimes le message, ou alors, tout simplement sur le mail, hein, mikael@funradio.be. Restez là aussi. Dans un instant, il y a Selena Gomez qui arrive sur Fun. Selena Gomez, ce sera Love You Like a Love Song sur Fun Radio. Bonne matinée, 6h41, c'est vendredi aujourd'hui. Bonne nouvelle, dernier jour de la semaine. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, bienvenue tout le monde, dans un instant la ligne anti-relou et nous allons parler maintenant de ce qui se passe sur les routes. A priori pas grand chose, une bonne nouvelle. Il ne se passe rien. Tant mieux, bah écoute. Mais bon, soyez prudents parce qu'il a gelé ce matin, donc ouais. Y a peut-être quelques endroits qui sont glissants. Donc, ouais, donc faites gaffe, levez le pied quand même. Et si vous êtes témoin d'un problème, d'un accident, d'un bouchon ou même d'un radar qui serait planqué, n'hésitez pas à nous en parler évidemment, 3044 par SMS. Ou alors vous me faites un petit mail si vous avez un smartphone, mikael@funradio.be. Et si vous n'avez pas de smartphone, restez bien à l'écoute de Fun dès lundi matin 6h, puisque nous allons vous offrir le nouveau bébé d'Apple. Ah, ça y est, on balance l'info. Ben oui, en exclu total, puisque nous sommes les premiers sur le coup, comme d'habitude. Énorme. L'iPhone 4S sera à gagner toute la semaine prochaine mais sur Fun Radio. On n'en a pas encore, quoi. Non, effectivement. Bah, si, c'est-à-dire que t'as un iPhone 4, tu peux dire que c'est un 4S, personne ne verra la différence. En tout cas, esthétiquement. Donc, si vous voulez gagner l'iPhone 4S, rencard dès lundi sur Fun Radio à partir de 6h. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et la ligne anti-relou également maintenant sur Fun Radio. Alors, les meilleurs relous ont été sélectionnés évidemment pour vous sur un plateau d'argent, même en or carrément, et on vous diffuse ça tous les matins à 7h, 8h et 9h moins quart. Les meilleurs messages qui ont été laissés grâce à vous les filles ou les mecs, car vous avez donné le numéro de téléphone à tous les relous de Belgique, 0 473 86 00 13. On va écouter le premier message de ce matin, là c'est parti. Bande de flamands, j'ai appris tous les gens pour des cons, quoi. Oui, un peu, ouais. Bande de flamands. Non, mais à mon avis, il a dû recevoir le numéro de l'Alliance Tirolou. Et donc, Il s'en est rendu compte. Et du coup, vous avez pris les gens pour des cons ou quoi, hein, hein, vous prenez relou, les gens pour des cons. Un relou semi-intelligent, alors. Oui, c'est ça. Ou alors, on lui a dit, tiens, fais gaffe, il y a ce numéro-là qui traîne. Ou alors, il a peut-être retenu le numéro, c'est à force de l'avoir composé, celui de sa meuf. Il a écouté Fun et il s'est dit, mais je connais ce numéro-là. Je connais ce numéro. Qu'est-ce que c'est ce numéro, tiens. Allez, deuxième message. Oui, bonjour, Julie. Ici, c'est Mbambala. On s'est vu hier au restaurant et c'est accompagné de nos copains. Et on peut dire que j'ai trop aimé le jeu qui m'a fait, le regard qui m'a fait et qu'on s'est rejoint dans les toilettes. Ça va ? Ce sera bien de gagner l'iPhone 4S, lui. On parle de la même chose. Le copain n'a rien vu. Ça va ? Allez, bisous. Bah effectivement, on ne comprend pas grand chose. Visiblement, il a vu Julie, mais on ne sait pas si c'est la nôtre ou si c'est quelqu'un d'autre. Ça peut pas être moi, je ne pense pas. Apparemment, elle était avec son copain, elle je lui a fait des signes quand même. Moment, voilà. Bon, en tout cas, on a rien compris, donc n'hésite pas à jouer dès lundi pour l'iPhone 4S. T'en as bien besoin, parce que vu la qualité de ton téléphone, mec, c'était très dur. Deux, troisième message, c'est parti. Ouais, alors, cocotte, j'ai raté un épisode là, parce que tu me fais prendre une chambre d'hôtel pour Nutella. Tu m'emmènes sur mon tiche, tu me dis que tu vas aller chercher une pizza, je t'attends. Pour Nutella, tu sais où tu peux te le foutre, hein. Ah, pour Nutella, tu sais où tu peux te le foutre, hein. Ah, celui-là, il était lourd. Bon. Celui-là, il était bien lourd. On commence bien la matinée. On commence pas mal, ouais. 6h49 sur Fun Radio. La ligne anti-relou reviendra évidemment tout à l'heure. Et j'ai oublié de dire, il y a la bonne nouvelle, il fera beau. La bonne nouvelle, c'est le dernier jour de la semaine. Mauvaise nouvelle, il fait froid. Mais surtout, bonne nouvelle, c'est la dernière de Secret Story ce soir. On sera débarrassé de ce truc. Oui. Hey, c'est la bonne. C'est ce soir ou demain ? C'est ce soir. Donc on sera débarrassé de Secret Story. Alors qu'est-ce que TF1 va nous préserver pour la semaine prochaine ? Nous verrons. En attendant, on va s'écouter Selena Gomez maintenant sur Fun. Love You Like a Love Song. Bonne matinée. Il est 7h-10. Et on va appeler les gens pour les faire chier dans un instant. Vous en avez pris l'habitude maintenant. C'est comme ça tous les matins sur Fun. Selena Gomez sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Il est 6h53. Fun Radio avec Mickaël à la radio tous les matins jusqu'à 9h30. Et les écrans plats qu'on vous offre, il y en a plusieurs par matinée, trois en l'occurrence. Et la petite devinette qui colle, évidemment, vous repartez avec un écran plat ou alors avec le pack Nintendo Wii. C'est vous qui choisissez. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, écoutez bien. Arrache-moi, griffe ma tête et du rouge viendra le noir. On proposait un Zippo. Non, pas du tout. Hein. Ce n'est pas du tout ça. C'est, je dis qu'on avait inventé ça avant le briquet et bien après le silex. Mais bien après. Hein. Oui, je pense qu'il y a eu une certaine période entre les deux. Oui, mais bien après. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, ça peut servir aussi à faire un barbecue, par exemple. Oui. Voilà, on peut faire un barbecue, on peut faire plein de trucs avec ça, hein, techniquement. Hein. Oui, les cowboys se les frottaient sur les bottes. Oui. Ah oui, pas mal. Ça c'est vrai, c'est vrai. La bonne réponse au 63-22, 1€ le message. Et donc, écran plat ou pack Nintendo Wii a gagné. Bonne chance. Bon, Tof, Mata, tu vas vérifier un petit sondage? Ouais, en fait, bah, j'expliquais tout à l'heure. En fait, j'ai vu que dans un sondage, les femmes acceptaient plus facilement que leur mari aille voir ailleurs. Ouais, effectivement, ouais, c'est ça. Et donc, régulièrement. Hein. Oui, c'est ça. Parce que le sondage, en fait, il dit que ce serait pas une raison de rupture pour les femmes. Donc, en fait, pour les mecs, c'est indiscutable. S'il y a trompage, il y a largage. Ouais, mais pour les femmes, non. Et là tu vas faire quoi là du coup? Bah je vais expliquer que leur partenaire n'est pas très fidèle. Ah, tu vas foutre la merde quoi. Non, oh, c'est mal. Je vérifie un sondage. De grand matin comme ça. Ouais, très bien. En plus ça tombe très bien parce qu'on va dans un endroit qui s'y prête. N Saint-Pierre. Voilà. Voilà. Ouais, c'est parti. Je sais même pas où ça se trouve, mais si vous savez où ça se trouve, dites-moi 30-44, parce que j'avoue, N Saint-Pierre, je ne sais pas très bien où c'est. Dans le Hainaut, ça, non? Dans le Hainaut, je sais ouais, pas. Je crois, ouais. Bon, bah, c'est pas grave, du coup, on y va, on appelle à 6h54, c'est tôt. Non, ça décroche mal, ça décroche lentement à ce temps-là. Voire pas du tout. Oh, allô? Allô? Ouais, allô? Ouais, bonjour? Ouais. Ouais, voilà, je t'appelle parce que faut que je te dise la vérité là. Oui, mais? Ouais, faut que je te parle. Ton mari, il te fait cocu. On a capito. Je dis, ton mari, il te fait cocu, il baise ailleurs. Tu as un mari? J'ai un mari. Ouais, il va voir ailleurs. Hein? Il couche avec d'autres femmes. Je comprends pas bien. Il faire le sexe avec d'autres filles. Oui. Il faut essayer de téléphoner de 5 minutes, comme ça c'est des chances et prendre l'autre téléphone. Ah oui, d'accord. Mais à tout de suite. De 5 minutes. Oui, c'est oui. Ça, hein. À tout de suite. Ça va? Oui. Oui. Ah bah disons qu'elle a cru qu'elle était où alors Non mais c'est incroyable ça quand même. Elle est exceptionnelle. Bah ouais. Bah du coup il faut la rappeler du coup là. Bah oui il faut la rappeler. Bah attends bah je vais répéter la petite énigme là le temps qu'elle descende prendre le téléphone là. Donc 63-22 si vous avez la bonne réponse à l'énigme, je la rappelle encore une fois le temps que... Bah c'est pour gagner un peu de temps le temps que la maman là elle descende là prendre le téléphone. Arrache-moi, griffe ma tête et du rouge viendra le noir. 63-22 ce n'est pas le charbon, je l'ai déjà dit tout à l'heure que ce n'était pas le charbon. Donc bah vous nous dites 63-22 écran plat. À gagner écran plat ou les packs Nintendo Wii. Et donc apparemment ce serait effectivement dans la région de la Louvière, N Saint-Pierre. Donc c'est bien au Hainaut. Ouais, c'est donc tout près la Louvière. Merci à tous d'avoir envoyé vos messages, c'est gentil. Du charbon de bois, c'est pas la bonne réponse non plus. Et on va le rappeler là. Je vous rappelle aussi d'ailleurs que dès lundi, il y aura les iPhone 4S qui seront à gagner sur Fun Radio. iPhone 4S en exclu total. Ah, nous sommes toujours les premiers sur le coup. Ah oui. C'est vrai quand même. Mais bon, on s'habitue à ça. C'est vrai. Ça, c'est ça. Et d'ailleurs, vous allez les gagner avec un nouveau jeu qu'on aura l'occasion de faire toute la semaine prochaine sur Fun Radio. Oui. À gagner entre 6h à 24h sur 24, en fait, toute la semaine. Ah, ça va être bien. Je vous en dis pas plus, mais ça va être bien. Allez, on rappelle la maman là, c'est parti. Voilà. Puis il y aura l'info de Julie aussi. Allô? Ouais, c'est bon, t'arrives en bas? Comment? T'es en bas? Si. Oui. Alors je disais, ton mari, il te trompe. Il va voir ailleurs. Il va voir ailleurs? Oui. Il fait le sexe avec d'autres femmes. Comment? Il fait le sexe avec d'autres femmes. Mais qu'est-ce que c'est qui téléphone? Mais c'est pas grave ça. Moi j'ai vu ton mari, il fait le sexe avec d'autres femmes. Je comprends pas. Un garçon et un garçon et une fille dans un lit, qu'est-ce qu'ils font? C'est Jean-Marie quelqu'un, Jean-Marie. Non, pas Jean-Marie. Non, Jean-Marie. Un monsieur et une madame, quand ils sont dans un lit, qu'est-ce qu'ils font? Je n'arrive pas à comprendre. Bon, plus simple. Comment on fait les bébés? Non, je ne comprends pas. Comment est-ce que monsieur et madame font un bébé? Je n'arrive pas à comprendre. Bon, bah écoute, on a tout essayé. Hein. On a tout essayé, on lui a laissé du temps. Maman italienne. Ouais, on lui a laissé du temps, on a tout fait là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut pas faire mieux. C'est impossible. Bon, on essaiera d'appeler quelqu'un qui parle français tout à l'heure, ce sera plus facile, je pense. Hein. Oui, mais bon, on tombe par hasard, on peut pas savoir. Ah oui. Non, mais c'est sûr, mais bon, là, on va quand même essayer. Bon, pour la devinette, on proposait le piezo. Non, c'est pas ça non plus. Cherchez pas trop loin, c'est un truc en bois, on peut pas faire plus facile. 63-22, et l'info arrive dans un instant à 6h58. On écoutera aussi le son de Niro. avec Promises sur Fun Radio et on remboursera vos factures aussi dans 10 minutes. 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et à 6h59 sur Fun Radio, passons à l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, une réunion entre syndicats et la direction d'ArcelorMittal devait se tenir hier, mais elle a été annulée et ce matin, on ne sait toujours pas quand elle sera reportée. Et des assemblées d'information au personnel sont organisées sur les différents sites d'ArcelorMittal ce matin. Les syndicats comptent faire le point sur la situation avec les travailleurs. La fin de l'acier se profile dans le bassin liégeois et il est difficile pour beaucoup de travailleurs d'envisager l'avenir. L'annonce de la fermeture du chaud d'Arcelor est également un coup de massue pour tous les commerçants des environs, des sites concernés. De son côté, la ministre de l'Emploi, Joëlle Milquet, a invité l'ensemble des parties à chercher des solutions pour préserver l'activité. La Belgique aura donc un gouvernement tripartite sans les Verts. Jean-Michel Javot et des écolos s'est dit perplexe, mais les présidents d'écolos et de Groen ont confirmé qu'ils resteraient loyaux à l'égard de la réforme de l'État à laquelle ils ont contribué. Les partis qui prépareront le volet budgétaire et socio-économique de l'accord du gouvernement seront donc bien le PS, le CDNV, le MR, le SPA, l'OpenVLD et le CDH. L'ANVA critique la formation sans majorité côté flamand et Olivier Minguin des FDF affirme que les flamands imposent leurs préférences. 39 communes wallonnes voteront encore électroniquement en 2012. Malgré la volonté du gouvernement wallon d'en revenir au vote papier, 39 communes wallonnes sur 263 maintiennent le vote électronique pour les prochaines élections communales et provinciales qui appelleront l'an prochain aux urnes 2,5 millions de citoyens du sud du pays. Plusieurs modifications devraient entrer en vigueur à cette occasion qui touche davantage les élus que les électeurs. La plainte de Tristan Bannon contre DSK est classée sans suite. Les faits sont reconnus en tant qu'agression sexuelle, mais datant de 2003, ils sont prescrits pour le parquet de Paris. La romancière avait prévenu que si le parquet prenait une telle décision, elle déposerait plainte avec constitution de partie civile. Dominique Strauss-Kahn a toujours, lui, nié les faits qui lui sont reprochés. En Grèce, les syndicats doublent à 48 heures leur appel à la grève générale les 19 et 20 octobre prochains. Le 19 octobre est la date à laquelle le projet de loi incluant les nouvelles mesures d'austérité doit être voté. Et puis enfin, Standard & Poor's abaisse d'un cran la note de l'Espagne à AA-. L'agence de notation cite les perspectives incertaines de croissance du pays et la probable poursuite de la détériorisation du système financier espagnol. Et restez bien là dans un instant sur Fun Radio, on écoutera le son de Niro avec Promises et on passe à la météo maintenant. Aidez les éventuelles nappes de brume et d'eau de brouillard dissipées, le temps sera lumineux mais couvrez-vous, ça caille ce matin de 0 à 6 degrés, cet après-midi de 10 à 15 degrés. Ce week-end, toujours un beau soleil en perspective et des nuits très froides. Ouais, c'est ça, ça caille pas mal effectivement. Dans un instant, on vous rembourse les factures également, 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme des messages qui viennent d'arriver, 90 euros pour une chambre d'hôtel, c'est pas ce que tu as été y faire. 60 euros pour une amende, c'est Siam de Charleroi qui s'était proposé aussi. 108 euros pour Belgacom, qu'est-ce qu'il y a également, 124 euros pour Mobistar, 300 euros pour un GSM, etc., etc. On vous rembourse les factures dans quelques instants sur Fun Radio. 6322, code facture. Code facture. Oui, Ça marche plus. On a compris. Ouais, bah, truc marche plus, je fais pas rien. Mais avant de vous rembourser les factures, justement, nous allons parler maintenant de l'info en plus, Julie. Salut à tous. Eh bien, c'est une jolie info en plus qui fait un petit peu froid dans le dos. Non, c'est mignon. Alors ça se passe hier vers 10h du matin et c'est un enfant de 10 ans qui a pris le volant de la voiture de sa mère et qui lui a sauvé la vie. Alors je m'explique, ils étaient sur le périphérique, donc à Paris. Et à un moment donné, il y avait la mère et l'enfant, donc la mère forcément au volant, son enfant de 10 ans à côté d'elle, et à un moment donné elle a un malaise et donc sa tête s'effondre et elle ne réagit plus. Là l'enfant, ni une ni deux, ne réfléchit pas et prend le volant. Mais bon, il faut avouer qu'il était à côté. Hein, donc, quel âge il avait le... 10 ans. Ah, 10 ans, ouais, c'est okay, quand même ouais. assez impressionnant. Donc 10 ans sur le périph à 10h du mat. Donc le périph à 10h du mat, hein, c'est quand même pas mal. De toute façon, bouché tout le temps. Et bien, justement. Donc, ça, l'avantage, c'est qu'ils étaient à l'arrêt. Donc. Non, mais justement, l'histoire raconte qu'ils n'étaient pas du tout à l'arrêt. Donc il essaie tant bien que mal de récupérer la bagnole. Donc ça zigzague pas mal. Là, il y a un routier qui se rend compte de la situation. Et oui, les routiers donc, sont sympas. Les routiers sont toujours très sympas. On leur fait des gros bisous à tous. Et donc le routier, le camion, s'est mis à côté de la voiture pour, entre guillemets, l'encadrer le temps qu'elle s'arrête. Parce qu'il s'est rendu compte que forcément, elle avait l'air d'être au point mort et qu'à un moment donné, elle a la perte de la vitesse et s'arrêter. Donc il a continué à rouler à côté de la bagnole pour essayer de la protéger des autres voitures. Et heureusement, la voiture s'est arrêtée peu avant un bouchon qui était plus loin. Donc on se rappelle le périphérique 10h du mat. Donc ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc l'enfant a sauvé sa mère, donc il est forcément sorti en pleurs. Le routier a sauvé la mère, machin. Enfin, mais c'est ça, ils vont se marier, ouais. Ça va être beau, voilà, c'est génial. Ils vont faire un film aux États-Unis. Non, mais j'ai trouvé ça quand même. Ils auront plein de petits camions. Mais oui. Ils auront plein de petits camions. J'ai trouvé ça une très belle histoire et très surtout belle histoire. Très courageux le petit garçon. Mais c'est surtout de que 10 ans à peine. Il y a une histoire similaire, je sais plus où là où il y a un petit qui a sauvé le son père. Ouais. Mais je sais plus, je vais me renseigner, mais c'est aussi, il a aussi sauvé son père, mais il doit aussi avoir 6-7 ans le petit. Je sais plus ce qu'il a fait, ouais. Je vais me renseigner, je vais essayer de retrouver l'info là. D'accord. Bon, et on va s'écouter Niro maintenant sur Fun Radio avec plein messages. Il est 7h05, bon réveil, c'est vendredi aujourd'hui le 14 octobre. La réponse à la devinette qui colle, elle va arriver. Et puis on va vous rembourser vos factures juste après le son de Niro maintenant sur Fun Radio. Niro sur Fun Radio, c'est Promises. Allez, on paye les factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Tous les matins, c'est comme ça que ça se passe sur Fun Radio à 7h10, 8h10 et 9h10. J'admets, on est un peu en avance ce matin, mais c'est pas bien grave. Nous allons maintenant vous rembourser vos factures. Pour payer les factures, c'est facile. Enfin, pour qu'on vous rembourse les factures, c'est facile. Il suffit de s'inscrire au 6322 code facture. Et on rembourse combien, Tof, là, ce matin? Là, on rembourse 33,82€. 33,82€, d'accord. Si les personnes décrochent, bien sûr. Qu'elles donnent... Allô? Allô, bonjour? Allô. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, qui paye les factures le matin? C'est Mickaël sur Fun Radio. Oh, voilà. Pardon, je suis malade. Mais c'est oui. Mais oui, tout à fait. Comment tu t'appelles? Jessie. Oh, Jessie, on se réveiller peut-être. Non, Jessie. Non, Jessie. Dans mon lit encore. Ah oui, d'accord. Ok, très bien, Jessie. Bon, Jessie, t'es dans quelle ville? T'as quel âge? J'habite à Moucron, j'ai 21 ans. 21 ans, et on va te rembourser 33,82€ qui servent à quoi? C'est une facture pour 3 Suisses. 3 Suisses aussi, d'accord. Eh ben écoute, y a pas de problème, on va te rembourser ça. Mais qu'est-ce qu'elle a acheté chez 3 Suisses? Oui, t'as acheté quoi chez 3 Suisses? C'était un maillot de bain. Ah oui, en hiver, oui, bah oui. Mais oui, tout à fait. Mais c'est une idée, quoi. Pourquoi pas, il en faut. Hein. Ah, peut-être qu'elle a la chance de partir au soleil en décembre. Ah oui, peut-être, comme Julie par exemple. Non, non, en décembre, je pars à Londres. Donc... Ah oui, donc, c'est loin, loin du soleil. Quelle horreur. Alors, Londres, déjà, c'est horrible. Ah non, attends, Londres, en plus en hiver. Avec les lumières de Noël, c'est juste magnifique. Quelle angoisse. Ouais, c'est trop beau. Ah, c'est génial. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, eh ben, y a pas de problème. Bon, ben, en tout cas, on va te rembourser ta facture. On va t'expliquer en antenne comment il faut faire. Et puis t'auras l'argent d'ici quelques jours. D'accord, bah merci beaucoup. Mais je t'en prie, gros bisous à toi et passe une bonne journée, à bientôt. Au revoir, merci. Salut, salut. Et puis bah vous aussi, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, c'est facile, 6322. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. D'ailleurs, on appellera peut-être tout à l'heure quelqu'un qui a envoyé une facture là. 53,26€ pour la télé, 300€ pour Mobistar, 79€ pour Electrabel, 42,80€ pour des quoi? Gobelet pour projet d'architecture, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 108€ pour Belgacom, etc., etc. 6322, code facture, on remet le couvert dans moins d'une heure et on donne la réponse également à la devinette qui colle. C'est juste après le son de Phoenix, If I Ever Feel Better. Maintenant sur Fun Radio, il y aura aussi l'horoscope de Doudou dans quelques instants sur Fun Radio. Bonne matinée, c'est vendredi et il est 7h10. Ah, petite balade à l'instant, le son de Phoenix, If I Ever Feel Better sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde, il est 7h14. Dans un instant, c'est l'horoscope de Doudou qui va débarquer, mais avant cela, nous avons Steve avec nous. Salut, salut Steve, comment vas-tu? Salut. Ça va bien? Ça va bien, bien, bien. Eh ben, tant mieux alors. Steve, tu as 32 ans, t'appelles de Marcinelle. C'est ça. C'est bien ça, et tu as la réponse à la devinette qui colle. Je vais la rappeler quand même, on sait jamais, hein, des fois que... Arrache-moi, griffe ma tête, et du rouge viendra le noir. Oui. Ah oui, Steve, c'est là que tu dois répondre. Qui suis-je? Ouais, c'est l'allumette. Ah, ben eh voilà. Ben oui, c'est l'allumette. Bravo, Steve. Tu repars donc avec soit l'écran plat, soit le pack Nintendo. Oui, tu choisis quoi? Bon, le pack Nintendo. Eh ben, le pack Nintendo, ben, il est pour toi. Alors, il n'y a pas de problème. On va t'envoyer ça rapido, ça. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Eh ben, écoute, passe une bonne journée, Steve. Tu fais quoi dans la vie? Non, je travaille chez Electrabel, là. Oh! Ah, ça va, tu gagnes bien ta vie. Non, mais c'est pas ça, c'est surtout que le nombre de factures qu'on reçoit d'Electrabel, hein, ah, ça y va, hein, ça y va. Ah oui, mais c'est trop cher, 150 euros d'électricité. Bah oui, oui, oui, bah oui, forcément. Eh bah, oui. Bon, bah écoute, il n'y a pas de problème, Steve. En tout cas, passe une bonne journée, on va te rembourser. On va te rembourser rien du tout. On va t'envoyer ton pack Nintendo Wii pour avoir bien répondu à la devinette qui colle. Bah, passe une bonne journée. Salut, salut, Steve, à bientôt. Et nous allons maintenant enchaîner dans quelques instants avec une nouvelle devinette qui colle, bien sûr. Mais avant cela, bien entendu, car c'est l'heure, 7h15, c'est l'horoscope avec l'ami Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope, comme chaque matinée. Doudou, vous avez déjà trompé, vous ? Ah oui, moi je me trompe souvent, mais je fais pas exprès. Non, non, non, mais pas vous tromper, mais tromper votre copine ou votre femme. Oui, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Parfois, je sors avec Marie-Caroline et le matin, je me réveille avec Maria. Ah bon ? Mais oui, mais je fais pas exprès, hein. C'est que je me souviens plus. Mais plus de quoi, Doudou ? Bah, de ce que j'ai fait de Marie-Caroline. Ah, faudra peut-être un peu moins forcer sur le T-Punch alors, hein. Ça devrait vous aider à retrouver la bonne femme. Ah oui, vous croyez ? Ouais, je pense, ouais. Ah bon, d'accord. Bon, les béliers, Doudou, parce que vous êtes là pour ça aussi, à la base. Ah hein. Oui, oui, pardon, l'horoscope, c'est pareil, ça, parfois, j'oublie. Oui, bah oui, bah alors, heureusement, je vous rappelle. Allez, c'est parti. Alors, les béliers, c'est parfois mieux de ne pas claironner une idée sur tous les toits. D'accord, les taureaux ? Rien ne viendra déranger un dîner romantique. Votre partenaire appréciera sûrement cette petite surprise. Les gémeaux ? Le stress augmente votre envie de vacances ou de pause. Alors, ne vous découragez pas, malheureux. Les cancers, comme Julie, mauvais signe ou pas, on va voir. Oh là là là là. Ah non, le doudou, s'il vous plaît. Oh là là là là là là là. Bon bah vite, doudou, on va pas y passer la nuit. Oh doudou. Bon alors, cet avenir va vous dédommager de tous les efforts que vous avez déjà faits. Ah bah voilà, c'est un bon signe. Ah bah alors, c'est un très très bon horoscope là. Ça me paraît un peu, tu vois, gagner le million, ce genre de choses. Non, non, non, non. Me dédommager de tout ce que j'ai mis, tu vois, non c'est pas ça. Je veux pas te déranger, mais là, je crois que c'est mon horoscope. Hein. Ah oui, c'est vrai. Les lions. Votre jalousie n'a pas sa place dans cette journée. Ah, ça va, hein, je dis plus rien. Bah voilà, mais dis plus rien. Non, mais ça va, c'est bon. Les vierges. Soyez prudente avec les soi-disant amis au travail. Vous parlez beaucoup trop. Les balances. Ne faites pas trop de promesses aujourd'hui. Très bien, les scorpions. Un peu d'égoïsme ne fait pas de mal, pensez à vous. Les sagittaires. Vos chances financières et professionnelles ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Les capricornes. Bah oui. Votre rayonnement ouvert et positif vous facilite la rencontre de nouvelles personnes. Les verseaux. Si vous rencontrez des problèmes, vous les maîtrisez avec le sourire. Très bien, et puis pour finir, les poissons. Vous avez particulièrement besoin d'affection et de sécurité aujourd'hui. D'accord. Si vous êtes poisson, je suis disponible. Je n'en doute pas. On vous retrouve dans une heure, Doudou. Ah oui, avec plaisir. Très bien, dans un instant, on parlera des anges de la télé-réalité. Et on va écouter d'abord le son de Pitbull avec Marc-Anthony, Rain Over Me sur Fun Radio. Bonne matinée. Fun Radio, tous les matins. Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Pitbull à l'instant sur Fun Radio avec Marc-Anthony, c'était Rain Over Me. Il est 7h21. Dans un instant, la nouvelle devinette qui colle, comme chaque matinée, bien évidemment. Et puis, nous allons d'abord parler, évidemment, de. Oh, bah, ça fait longtemps qu'on n'avait plus parlé des anges de la télé-réalité à New York. Mais ouais. Parce que moi, j'ai un petit peu regardé là, et c'est du lourd. Hein. C'est du très lourd, évidemment. Le problème, c'est que Stéphanie ne prend pas de douche nue tous les jours, et c'est pour ça qu'on a arrêté de regarder. Hein. C'est très dommage. Bah oui, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment court. Mais enfin bon. Stéphanie, la petite belge. Oui, c'est vrai. Stéphanie, la liégeoise, pour être précis, voilà, qui était venue d'ailleurs dans l'émission. L'année dernière quand on faisait le soir qui est reparti morte torchée. Voilà, donc ça passe tous les soirs sur Plug à 19h10. Et donc la semaine dernière je vous avais déjà parlé de Kamel, un ancien de Love Story 2, hein. Donc pas Secret Story, hein. Love Story c'est l'ancêtre de la télé-réalité. Kamel, celui qui avait dit ah il nous faut du team. Oui, voilà. En parlant donc, de teint, il avait lu team sur la feuille de course, moi ça me rappellera toute ma vie. Voilà, et donc Kamel donc qui parlait super méga over bien anglais. Tu peux lui dire qu'il faut s'entraîner parce qu'il a besoin d'exercice. You are very training because you are because exercice. Yeah, because very many exercices. Voilà, oui, donc Vico's exercice. Il est voilà. Parfaitement bilingue. Voilà, bah, mais il n'est pas le seul, rassurez-vous, il y a aussi Benjamin qui maîtrise l'anglais. Benjamin, il a fait Top Chef 1 et il veut devenir restaurateur. Du coup, même quand il drague, bah, ça le travaille. Et elle n'est pas restée insensible à mon charme. C'est ça qui fait plaisir. You are eggs beautiful. I love you eggs. I love you eggs. Alors. Eyes, I will tell you. Ouais. Ça c'est énorme parce qu'en fait il est en train de dire oeufs. J'aime tes œufs. Eggs, ce sont les œufs. Donc voilà, un œuf quoi, les œufs, un œuf. Donc ouais. Donc voilà, j'aime tes œufs. Ah Julie, j'aime tes œufs. Ça c'est merci. Un bon Julie, j'adore tes œufs. J'aime beaucoup tes choux-fleurs, Mickaël. Mais je te remercie, ouais. Donc pour ceux sinon qui se. Pourquoi que la meuf elle ait des petits seins, elle lui en retourne une. Hein. Ah ouais, c'est bon, mais c'est clair. Ouais. Donc et sinon pour ceux qui se posaient la question, Mickaël Vendetta va très bien, rassurez-vous. Il est toujours aussi mégalo d'ailleurs le Vendetta. Hein. Ma présence sur le sol américain. J'ai fait trembler New York. Ils ont évacué la Maison Blanche. Hey Benjamin, je vais être président des États-Unis. Washington, là, la Maison Blanche, elle est vide. Je vais l'envahir. Et à voir si les infos. Chef cuisinier devant l'État, président des États-Unis. Il est relou parce qu'en plus, c'est même pas drôle. Quoi. Non, mais il a raison, il faut voir grand dans la vie. Mais oui, mais non, il faut voir grand. Mais tu sais, la mairie, alors, il dit oui, la Maison Blanche, c'est la mairie. Déjà, ça commence très mal pour lui. Bon, enfin, bon, soit. Enfin, bref. Tiens, Julie, peut-être une petite question. Quand tu aimes bien une chanson, tu le dirais comment? J'adore cette chanson. Ouais. Eh bien, Kevin de Dilemme, lui, il a une autre méthode, écoute. J'ai écouté 10 secondes, je l'ai regardé. Je l'ai fait comme ça, je suis parti manger une pomme. Il a compris que le son était. Que je trouvais que le son était génial. Voilà. Mais oui, quand moi content, moi toujours manger des pommes. Voilà. Mais oui. Donc maintenant vous savez que voilà, si vous aimez Mickaël à la radio, et ben mangez une pomme. Voilà. Je lui ai fait comme ça et puis j'étais mangé une pomme. Et donc il a compris que le son il déchirait. Il a bien compris, ouais. Ouais. Donc voilà, donc il a tout compris. Ah non, c'est génial. Oh, c'est dommage qu'on n'a pas les images forcément. Ah oui, c'est dommage. Ça doit être trop, ouais. Ah oui, c'est vraiment dommage. Vraiment bon, et ben voilà, comme ça vous savez tout maintenant à propos des anges de la télé-réalité. Waouh. Et manger des pommes. Et oui, mange des pommes évidemment. Bon allez, deuxième petite devinette pour repartir avec le deuxième écran plat de ce matin ou la deuxième console Nintendo Wii. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde, c'est 1€ le message. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? Bonne chance tout le monde, 63-22 avec la bonne réponse. Et on revient avec l'info de Julie dans quelques instants. Il y aura aussi David Guetta avec Without You. David Guetta et Usher, Without You sur Fun Radio. Il est 7h26, bon réveil. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 7h28 sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde, c'est vendredi. Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. L'info de Julie arrive dans un instant. Et je vous rappelle la petite devinette qui colle. Pour repartir avec le deuxième écran plat ou la deuxième console Nintendo Wii ce matin, quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le... commet. Si vous avez la bonne réponse, on proposait une évasion, c'est pas ça. On proposait un délit de fuite, ce n'est pas ça non plus. S'évader de prison, c'est pas ça non plus. Le vol, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Franchir les limites d'un pays, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Ça se fait généralement... Enfin, généralement, ça se fait souvent, en tout cas, avec une corde, par exemple. Ça peut, tu sais, on peut utiliser une corde. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, c'est le viol. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Super. Bonne matinée à tous. Hein. Vous vous réveillez et là, on vous parle d'un truc que vous pouvez faire avec une corde. Oui, bien sûr. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? 63-22 pour les bonnes réponses. N'hésitez pas. Il est 7h29 sur Fun Radio. On va passer maintenant aux infos. Salut Julie. Salut à tous. Salut à tous. Une réunion entre syndicats et la direction d'ArcelorMittal devait se tenir hier, mais elle a été annulée. Et ce matin, on ne sait toujours pas quand elle sera reportée. Et des assemblées d'informations personnelles sont organisées sur les différents sites d'Arcelor ce matin. Les syndicats comptent faire le point sur la situation avec les travailleurs. La fin de l'acier se profile dans le bassin liégeois et il est difficile pour beaucoup de travailleurs d'envisager l'avenir. L'annonce de la fermeture du show d'Arcelor est également un coup de massue pour tous les commerçants des environs des sites concernés. De son côté, la ministre de l'Emploi, Joëlle Milk, Blanquer a invité l'ensemble des parties à chercher des solutions pour préserver l'activité. La Belgique aura donc un gouvernement tripartite sans les Verts. Jean-Michel Javot des Écolos s'est dit perplexe, mais les présidents d'Écolos et de Groen ont confirmé qu'ils resteraient loyaux à l'égard de la réforme de l'État à laquelle ils ont contribué. Les partis qui prépareront le volet budgétaire et socio-économique de l'accord du gouvernement seront donc bien le PS, le CDNV, le MR, le SPA, l'Open VLD et le CDH. Les six partis se retrouvent aujourd'hui pour établir une méthode de travail. L'Église catholique décline. Dans un rapport, les chercheurs du CRISP constatent le déclin d'une Église tiraillée entre progressistes vieillissants et néo-conservateurs. 7% à peine des Belges se marient encore à l'Église. Et alors que le cadre d'une culte catholique compte 6900 postes, à peine 2700 prêtres sont effectivement en fonction. La baisse de la pratique religieuse s'accélère, elle aussi, surtout à Bruxelles. Même pour les grands moments symboliques de la vie, comme le baptême, le mariage ou les funérailles. L'incertitude continue à peser sur le personnel et les clients d'Exia, estiment les syndicats. Ils ont prié le gouvernement à relancer rapidement les activités de la banque. Le week-end dernier, le gouvernement avait décidé de reprendre toutes les actions de Dexia Banque Belgique, une garantie d'État que l'État a par ailleurs été attribuée à la banque aussi résiduelle. Mais l'opération n'est toutefois pas encore bouclée parce qu'il existe toujours des incertitudes sur l'avenir des actionnaires du holding communal Edarco. Réunion du G20 à Paris, l'Europe va tenter de rassurer ses partenaires sur la crise. Les Européens promettent aujourd'hui et demain à leurs partenaires du G20 réunis à Paris de résoudre une fois pour toutes la crise de la dette qui menace l'ensemble de l'économie mondiale. Et puis la plainte de Tristan Bannon contre DSK est classée sans suite. Les faits sont reconnus en tant qu'agression sexuelle, mais datant de 2003, ils sont prescrits. Pour le parquet de Paris, la romancière a prévenu que si le parquet prenait une telle décision, elle déposerait immédiatement plainte avec constitution de partie civile. Il est 7h32 sur Fun Radio. Restez là dans un instant, c'est David Guetta qui arrive avec Usher, Without You, et la météo maintenant. Dès les éventuelles nappes de brume et de brouillard dissipés, le temps sera lumineux, mais couvrez-vous, ça caille ce matin de 0 à 6 degrés, de 10 à 15 cet après-midi. C'est pas franchement mieux, hein. On sent que ça se refroidit. Ah bah c'est normal. Hein. Ce week-end toujours, comment ça c'est normal? Bah c'est l'hiver qui arrive. Ah bon, c'est vrai, bah on n'a pas eu d'été, donc je comprends pas. Bientôt le changement de. Bah si, on a eu le. Il y a plus de saison. Attends, il y a deux semaines, il a fait beau toute la semaine là. Bon, allez, bonne nouvelle, ce week-end il va toujours faire beau, bah, mais des nuits très froides. Ah oui, des nuits, bah enfin, en même temps, la nuit c'est pas très grave. Hein. 7h33 sur Fun Radio. Bah, c'est ça exactement. L'info en plus. Fun Radio. C'est quoi l'info en plus ce matin? C'est Ryanair qui veut supprimer deux des trois WC dans ses avions. Mais ils ont raison. Non, mais ce qui est fort avec eux, c'est qu'ils agissent. Bah, je veux dire, pas souvent. Ils ont souvent des idées surréalistes pour faire parler d'eux. La preuve, ça marche. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais tu vois, ils appliquent pas souvent. Donc, mais bon. Michael O'Leary, c'est le fantasque et controversé dirigeant de Ryanair qui a toujours des idées, comme tu le dis, un peu folles. Il avait déjà proposé quand même de faire payer les toilettes dans ses avions. Oui, de faire voyager les gens debout aussi pour mettre plus de gens. En fait, lui, pour ceux qui ne le savent pas, mais ça m'étonnerait quand même, mais bon, on sait jamais. Ryanair, c'est des prix, donc c'est des vols à très très petit prix. Bah, ouais, ça dépend donc, quand tu tombes dessus. Hein, mais forcément. Bon, après, il y a les taxes, les machins, les bagages et tout, mais à la base, c'est quand même le moins cher de tous. Donc, si tu voyages sans vêtements, donc tout nu dans l'avion, sans bagages, là, ok, là, tu fais une affaire. Ça peut te coûter 20 euros, quoi. Ouais, même pas. Mais bon, donc il a toujours des idées un peu folles, donc il avait déjà pour baisser donc, le prix de ses avions. Donc, d'après lui, le fait d'enlever deux de ces trois WC dans les avions, il pourrait quand même faire baisser le tarif des billets de 5%. Donc, tu vois, chaque fois, il le fait pour faire baisser les prix. Mais bon, voilà, donc il veut mettre plus qu'une toilette dans les avions parce que. Pourquoi pas ? Il rappelle quand même que les transporteurs aériens n'ont aucune obligation légale de fournir des toilettes à leurs passagers. C'est vrai. Donc soyons contents, il aurait pu toutes les supprimer. Mais il avait quand même eu une idée aussi, souvenez-vous, de d'enlever le copilote et de laisser qu'un pilote. Oui. Ça avait été refusé, ça. Il a des idées. Voilà. En fait, déjà, mais après, tout est payant dans ces avions. Hein. Ouais, bah c'est ça. Et après aussi, je veux dire, c'est con. Un avion, ça vole avec un moteur. Genre le deuxième, il est juste là pour gaspiller du kérosène, quoi. Autant l'enlever. Ouais, je suis d'accord. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Je veux dire, à un moment, on se fait chier. L'hélicoptère, il a qu'un seul moteur. Bah ouais. Bon, attends, bah voilà, ils volent quand même. Hein, donc, bah ouais. Ça a des idées. Tiens, je vais contacter, moi, le mec de Ryanair. Bah oui, tu vas voir. Pour Ryanair, tu pourrais franchement. Je pense, ouais. Dans un instant, c'est Mickaël réveille la Belgique avec Sébastien Loeb qui est donc en direct de la rue de la Procession à Anderlecht à Bruxelles. Si vous voulez le rejoindre, eh ben, n'hésitez pas. On fait ça juste après David Guetta, Usher, qu'on écoute maintenant. C'est Without You sur Fun Radio. Le temps de vous rappeler la petite énigme qui colle. 63-22 pour les réponses. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable véritable quand on le commet. 63-22 euros le message, des écrans plats à gagner. Bonne chance. Le son de David Guetta avec Usher à l'instant sur Fun Radio, c'était Without You. Il est 7h38, bonne matinée tout le monde. Et nous allons dans quelques instants donner la réponse aussi à la divinité qui colle. Mais avant cela, nous avons notre ami Sébastien Loeb en direct de Anderlecht, rue de la Procession pour être précis, puisqu'il est là pour un petit Rémi Kael réveille la Belgique. Allô Loeb. Oui, allô. Oui, allô. Oui, allô, tu es là? Ouais, je suis là en pleine forme. Bon, bah tant mieux. Alors, Loeb, comment ça se passe? Donc, t'es où là? Rue de la Procession toujours? Ou t'es un peu bougé? Comment alors, ça se passe? Alors, ouais, je suis rue de la Procession, donc devant le stade d'Anderlecht. Ouais. Et alors, là, il y a un petit quartier, puis en plus, il y a des gens, donc, il y a des gens qui attendent le bus, il y a des gens qui marchent, il y a des. Donc, on va un petit peu crier une petite chanson, donc, pour le Mickaël, réveille la Belgique, en direct. Ah, petite chanson et tout. Alors très bien. Donc je rappelle que il est donc en direct de Bruxelles avec un mégaphone. T'es habillé en lapin ou pas ce matin? Non. Ah, pas ce matin. Tant pis. D'accord. C'est dommage parce que Noémie la stagiaire a dit que ça pourrait l'exciter que tu sois en lapin. Ouais. Mais enfin tant pis, t'es passé à côté, c'est dommage. Ah bah oui, mais c'est dommage. No job. Ah ouais, non mais bien sûr, mais t'inquiète pas, hein, je peux te virer, hein, c'est pas un problème. Ouais, mais on la passe, ça passe. C'est vrai. Allez, c'est parti, vas-y. Oui, un bon champ de supporter. Hein. Bah c'est pas grave, c'est un chant de supporter, hein, faut pas comprendre. Voilà. Bah c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, mais c'est normal, hein. C'est normal, t'es Anderlecht. Je rappelle que c'est dimanche soir, 18h, le match Anderlecht standard. Et je pense que des ta gueule et va te faire enculer, il va y en avoir pas mal. Hein. Je pense que tu as oublié un détail, tu as oublié de leur dire que tu étais liégeois. Ah ouais, dis, allez, le standard. Attends, je remets une couche si tu veux. Non, mais tu vas te faire tuer, les standards. Ouais, parce qu'en plus, c'est des bouchons, donc je voudrais pas te faire. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Vaut mieux pas faire le malin, en plus, t'es chez eux, hein. N'oublie pas, hein. Bon, là, tu peux revenir à la radio pour la déclaration express dans 40 minutes. Ok, dans 10 minutes, je suis là. Bah, très bien, ok. N'oublie pas de nous envoyer un petit message pour nous tenir au courant. T'envoies un message à Julie. Oui, t'inquiète, je tiens tout le monde au courant. D'accord, oui, mais t'inquiète pas, on sait. Ça marche. Bon, allez, à tout à l'heure, Loeb. Parfait. Bon, et si vous voulez faire pareil aussi, un petit Mickaël réveille la Belgique, vous pensez pouvoir faire mieux que Loeb, n'hésitez pas. 30-44, débutez le message par réveil. Et vous allez pouvoir réveiller aussi peut-être votre famille, vos parents, vos voisins, n'importe qui. Tout simplement. Et gagner des cadeaux. Voilà, ça se passe au 30-44, débutez le message par réveil. Je vous rappelle la devinette qui colle. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? En général, ça se fait avec une corde, hein, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme réponse? C'est arrivé une évasion. Non, je n'ai pas dit que c'était drôle, hein, ça peut gagner des cadeaux, c'est le principal. Une évasion, c'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Un indice éventuel à donner? À part le mien? Un indice éventuel. Kurt Cobain. Oui, c'est vrai, effectivement, Kurt Cobain n'est pas une mauvaise idée, ouais. Et un message de Fredo qui dit, il va devoir courir le Loeb. Ah oui, ça je te confirme, il va devoir courir. Bon, dans un instant sur Fun Radio, Kate de Luna qui va arriver avec Drop It Low. Et j'ai oublié de vous dire, si vous avez la réponse, c'est la devinette qui colle. 63-22, c'est un euro le message, écran plat ou pack Nintendo Wii à gagner. Dans un instant, la ligne anti-relou. Et Kate de Luna sur Fun Radio, bonne matinée. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 7h47 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 et on va parler de la route maintenant. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie? Ben, soyez prudents, accident sur le 411 Bruxelles-Namur-Luxembourg à hauteur de Liernus, c'est donc bien en direction du Luxembourg, c'est la bande du milieu qui est obstruée et la circulation est fortement ralentie, c'est au kilomètre 41. Très bien, donc faites gaffe si vous êtes dans ce coin et si vous êtes témoin d'un problème sur les routes. 30-44 pardon par SMS, c'est 50 centimes le message pour nous signaler un problème, un bouchon, un accident ou même un radar qui serait planqué. Vous nous dites tout ça, 50 centimes le message, donc au 3044, ou alors sur le smartphone mikael@funradio.be, vous m'envoyez un petit mail. Et si vous n'avez pas de smartphone, sachez que la bonne nouvelle, c'est que dès lundi sur Fun Radio, à partir de 6h, on vous offre le tout nouveau bébé d'Apple. C'est l'iPhone 4S qu'on vous offrira dès lundi à partir de 6h du mat. Ah oui, je pense aussi. Et personne ne l'a encore. Et personne ne l'a encore, et on vous l'offre en totale exclusivité. Allez, la ligne anti-relou maintenant sur Fun. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et nous allons maintenant faire la ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0 473 86 00 13. Meilleur message, car vous avez eu l'occasion, et vous avez bien fait d'ailleurs, de retenir ce numéro par cœur, les filles, un peu les mecs aussi d'ailleurs, et de le donner à tous les relous que vous avez pu croiser dans la rue, en boîte, en soirée, avec des potes, peu importe. En plus là, c'est le week-end qui arrive, donc autant dire qu'il faut bien retenir. Il faut bien retenir le numéro de la ligne anti-relou, 0 473 86 00 13. Allez, on écoute maintenant le premier message. Coucou bébé, c'est moi, Frédéric, mon sextoys. Tu te souviens de cette super nuit de rêve qu'on a passée ensemble? On a bien couché, hein? T'es à trop de la couche. Tu n'as gardé pas l'hôpitation. Oh oui. Viens dans mon lit, je t'attends. Pour qu'on se refasse la totale hein, cette fois. C'est voilà le truc. Comment tuer l'amour. Je suis sans voix. Non, tu es le pro de la couche. C'est romantique. Alors là, j'hallucine. Complètement. Le pro de la couche. Mais oui, tu es le pro de la couche. Bravo. Et puis le petit. À la fin, ce n'excite pas les mecs. Bah non. Rappeler à toutes. Ah ouais, non, bah je confirme. Il appelle souvent son copain, il lui fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais excité. Ouais, hein, c'est ça. Comment calmer un mec, voilà. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Bande de flamands, j'ai attrapé les gens pour des cons, quoi. Peut-être pas les gens, mais peut-être que toi on a réussi pour le coup. Hein, ah, non. Ouais, ça c'est sûr. Bah ouais, parce que à mon avis. Le numéro de la ligne anti-relou, c'est que. Ouais, bah, je pense qu'il a reçu le numéro de la ligne anti-relou d'une fille, il a dû l'appeler, donc il le connaît par cœur, ce numéro, et donc il a dû entendre la radio en disant tiens, mais je connais ce numéro. Mais on ne prendrait pas pour un con depuis quelques jours. C'est et possible. Ouais. Et allez, dernier message pour l'instant. Ouais, alors cocotte, j'ai raté un épisode là, parce que tu me fais prendre une chambre d'hôtel hein, pour Nutella, tu m'emmènes sur mon tiche, tu me dis que tu vas aller chercher une pizza, je t'attends, pour Nutella, tu sais où tu peux te le foutre, hein. Non mais c'est quand même énorme quoi, la fille va aller à l'hôtel avec lui, elle le tartine de chocolat, elle se casse pour aller chercher une pizza, elle ne revient jamais. Attends, c'est énorme. Hey, commence. Il y en a quand même qui vont jusque là quoi. C'est ça. Je suis impressionné. Bon, et ben voilà, tiens, de retour de la ligne anti-relou. Ce sera dans moins d'une heure sur Fun Radio. Là, on va vous rembourser vos factures dans un peu moins de 20 minutes. L'info de Julie arrive. On va encore faire chier le monde, évidemment, d'ici quelques instants par rapport au sondage que Toff a trouvé. Et je vous rappelle la devinette qui colle. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? Deux réponses possibles. Voilà un deuxième indice également. Vous êtes nombreux à avoir trouvé la première solution, mais pas forcément la seconde. C'est pas très grave en soi. Hein. Si vous avez envie de donner votre réponse, n'hésitez pas. 63 22, j'ai dit en général ça se fait surtout avec une corde hein, c'est ce qui est encore le plus facile. Voilà, 63 22, 1 euro le message. Il y a des écrans plats à gagner, ce sera le deuxième à gagner ce matin, ou alors les consoles Nintendo Wii, les packages avec les manettes et les jeux. Et on va s'écouter le son de Kate de Luna en attendant, avec Fat Man Scoop sur Fun Radio. Drop It Low, il est 7h52, bon réveil, c'est vendredi le 14 octobre. Kate de Luna sur Fun Radio avec Fat Man Scoop. C'était Drop It Low, 7h55. Dans un instant, le son de Licky Lee qui arrive aussi avec I Follow Rivers. On paiera également vos factures, ce sera dans moins d'un quart d'heure. 63 22, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis, eh ben là, c'est parti. On va donc appeler pour faire chier le monde, hein, comme d'habitude. Hein. On en a pris l'habitude justement avec Toff, notamment. Oh, on est là hein. pour ça. Hein. Ben, on est un peu là pour ça, effectivement. Oui, c'est vrai. On fout le bordel dans les familles. Mais oui, donc ce matin, on fout le bordel dans les ménages, plus précisément. Oui, c'est ça, en fait. Hein, je vais réveiller les gens pour mettre un petit peu de bonne humeur chez eux. Non, oui. Merci Toff, merci d'être là pour ça. Mais c'est vrai que réveiller les gens pour leur dire qu'ils sont cocus, c'est super agréable. Mais oui, mais c'est parce que j'ai vu une étude qui dit que les femmes pardonnent plus facilement la tromperie que les hommes, et moi je veux vérifier, je veux savoir. Bah oui, mais c'est normal, allons vérifier. On a été à Anne-Saint-Pierre, tout près de la Louvière tout à l'heure, et bon, on est tombé sur une maman qui parlait... Une maman italienne, qui comprenait pas bien le français, donc c'était un peu difficile. Mais là, je propose qu'on aille à Carnion. Mais oui, c'est beau aussi Carnion. Bah oui, Carnion, c'est bien. Allez hop, on y va, c'est parti. 7h56, on appelle. J'ai envie d'un pain au chocolat. Ah bah écoute, moi aussi. J'ai envie de gagner l'euro million. Oui, bonjour monsieur. Allô. Oui, allô, bonjour monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait, voilà, je vous appelle parce qu'il fallait que je vous annonce une nouvelle assez difficile. Voilà, j'ai couché avec votre femme. Attends, mais non, toi, hein. Oui. Ah, voilà. Quoi, c'est encore un espagnol, oh, cette fois-ci. Bah, je sais pas. Par quoi, qu'est-ce qu'il fout? Allô. Oui, allô, bonjour madame. J'ai couché avec vous. C'est qui, s'il vous plaît? Oui, voilà. En fait, je préfère pas dire qui je suis, mais par contre, je sais que votre mari vous trompe. Ah, ben, ça fait rien. Ah bon, vous lui pardonnez alors? Oui, oui. Il peut aller voir ailleurs. C'est pas l'heure d'emmerder les gens, hein, monsieur. Mais non, mais... Je m'excuse, vous êtes un emmerdeur. Oui, mais il fallait que vous sachiez la vérité. Eh oui, la vérité, mais n'est pas l'heure de téléphoner les gens. Les gens, ils dorment trop ici. Oui. Il fait peur, hein. Mais oui, mais bon, vous... C'est la première, la deuxième et la dernière fois que vous téléphonez trop ici. Vous me direz ça. Oui, mais vous allez vraiment lui pardonner alors, c'est pas grave. Oh, bah, oui, il n'est pas votre affaire, c'est sa affaire à nous, de famille. J'ai pas bien... Et c'est un cornaro. Cornuto, voilà. Ah, là, là. Et encore un italien, dis donc, c'est dingue ça quand même. Ouais. Ouais, franchement, à 7h57, ils abusent un peu quand même, parce que c'est l'heure de dormir. Oui, bon, bah ça va, oui, bon, ok, d'accord. Nous, on est réveillés depuis 5h du matin. Mais non, mais c'est vrai, mais bon, je veux dire, il y a un moment, faut pas abuser, le soleil se lève, tout ça, il va faire ouais, bon, va, on dort ça plus va à cette heure-là, quoi. Faut pas déconner quand même, sans déconner. Enfin, non, bref. Bon, bah tant pis, hein. Bah non, oui, apparemment, ça lui pose pas de problème. Mais oui, non, mais Cornardo. Le sondage dont Tof parlait comme quoi les femmes pardonnent plus facilement, eh bien, c'est prouvé. Oui. Mais exactement. Parce qu'elle a dit, c'est pas grave. D'ailleurs, voilà, au niveau des tromperies. Hein. Ah, mon Dieu, oui, j'aime bien ça. Ah, oui. Ah non, de Dieu. Bah oui, bah lui aussi, il est au taquet, évidemment, dans l'amour et dans le pré. D'ailleurs, je suis content, on est vendredi, ça veut dire qu'on est bientôt lundi. Donc du coup l'amour est dans le pré revient. Oui. Ah. Eh oui, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, il fait le tour du monde, hein, notre ami qui a tué son patron. Bah oui, c'est clair. Ah, ouais. Tout le monde en parle. C'est un truc de dingue. Bon, on va revenir dans un instant avec la réponse à la devinette qui colle. Je vous la rappelle encore une fois. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? Deux réponses possibles. En général, disons que la réponse la plus souvent, c'est ça se fait avec une corde, par exemple. Hein. Tof avait donné un indice aussi, effectivement, Kurt Cobain. Oui. C'est vrai, mais il n'y a pas que lui, hein. Non. Il y en a d'autres. Amy Winehouse, non, c'est pas. Ah non, bah non, là pour le coup, c'est elle a pas fait ça. Hein. Mais notre indice éventuellement, Julie, ou pas du tout? Bon, c'est pas très chouette. Oui, merci, Julie. Oui, c'est vrai, ce n'est pas très chouette. Bouh, c'est mal. Dit-elle en arrangeant son petit châle. Mais oui, c'est vrai. Non, bon, si vous avez une étiquette. Si vous avez la bonne réponse, il y a des écrans plats à gagner ou des packs Nintendo Wii. Bonne chance, 63-22. Dans un instant, c'est l'info qui arrive avec Julie. Il y aura aussi l'équilibre. Avec I Follow Rivers sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Toute la semaine prochaine, Fun Radio vous offre une journée pour dépasser vos limites à Aventure Park. Pontinche, tyrolienne, saut à l'élastique, forest jump, jusqu'où irez-vous? Pour le savoir, envoyez Aventure suivi de vos coordonnées complètes au 6322. Vous passerez à l'antenne pour tenter le saut à l'élastique. Si ça se passe bien, vous repartez avec 4 passes pour la semaine de Toussaint à Aventure Park. Mais si ça casse, vous restez chez vous. Pour vivre une journée d'aventure entre amis, envoyez Aventure au 6322. 1€ par message envoyé ou reçu. Plus d'infos sur funradio.be. Fun Radio, le son dance floor. Il est 8h01 sur Fun Radio. Passons maintenant à l'info avec Julie. Salut Julie. Excuse-moi, c'est le micro-top que j'allumais, autant pour moi. Ouais, salut à tous. Une réunion entre syndicats et la direction d'ArcelorMittal devait se tenir hier, mais elle a été annulée. Et ce matin, on ne sait toujours pas quand elle sera donc reportée. Des assemblées d'information personnelles sont organisées sur les différents sites d'ArcelorMittal ce matin. Les syndicats comptent faire le point sur la situation avec les travailleurs. Pour rappel, 600 emplois directs sont menacés. La Belgique aura donc un gouvernement tripartite sans les Verts. Jean-Michel Javot des Écolos s'est dit perplexe par la décision du formateur Elio Di Rupo, mais les présidents d'Écolo et Groen ont confirmé qu'ils resteraient loyaux à l'égard de la réforme de l'État à laquelle ils ont contribué. Les partis qui prépareront le volet budgétaire et socio-économique de l'accord du gouvernement seront donc le PS, le CDNV, le MR, le SPA, l'Open VLD et le CDH. Les six partis se retrouvent aujourd'hui pour établir une méthode de travail. Les syndicats prient le gouvernement à relancer rapidement les activités de la banque Dexia. L'État a sauvé la banque le week-end dernier. Le holding, par contre, se retrouve bien dépourvu. Le holding, qui est donc aux mains des communes et des provinces, est le premier actionnaire du groupe Dexia. Ses actifs valent 2 milliards d'euros, mais au cours de la bourse actuelle, ils n'en valent plus que 400 millions. La région flamande plaide pour une liquidation du holding, mais le ministre des Finances, Didier Reynders, attend, lui, une position commune des trois régions. L'Église catholique décline. Dans un rapport, les chercheurs du CRISP constatent le déclin d'une Église tiraillée entre progressistes vieillissants et néo-conservateurs. 7% à peine des Belges se marient encore à l'Église, et alors que le cadre du culte catholique compte 6900 postes, à peine 2700 prêtres sont effectivement en fonction. La baisse de la pratique religieuse s'accélère, et surtout à Bruxelles, même pour les grands moments symboliques de la vie comme le baptême, le mariage ou les funérailles. La plainte de Tristan Bannon contre Dominique Strauss-Kahn est classée sans suite. Les faits sont quand même reconnus en tant qu'agression sexuelle, mais datant de 2003, ils sont prescrits pour le parquet de Paris. La romancière avait prévenu que si le parquet prenait une telle décision, elle déposerait immédiatement plainte avec constitution de partie civile. Restez bien sur Fun Radio, dans un instant on vous rembourse les factures et on écoutera le son de Liquili avec I Follow Rivers. La météo maintenant. Et dès les éventuelles nappes de brume ou de brouillard dissipées, le temps sera lumineux, mais ça caille ce matin de 0 à 6 degrés. Cet après-midi, ça monte quand même un petit peu, de 10 à 15 degrés. Ce week-end, toujours beau soleil en perspective et des nuits très froides. Très bien, bon ben restez bien là, les remboursements de factures dans un instant. Et Liquili, comme je le disais, c'est I Follow Rivers. Fun Radio. Fun Radio. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'info en plus ? Eh bien, c'est une arnaque au casino. C'est un scénario digne d'un film hollywoodien. En fait, trois joueurs italiens avec l'aide de deux complices qui travaillaient. Avec l'aide de deux complices qui travaillaient, parce que maintenant ils ont été arrêtés au casino Barrière de Cannes. Eh bien, ils ont mis en place une escroquerie très ingénieuse. Donc, l'arnaque consistait à introduire un jeu de cartes truqué, de l'encre invisible à l'œil nu, mais visible grâce à des lentilles infrarouges servaient à marquer les cartes stratégiques. Par exemple, une croix pour un roi, une barre pour un as, etc. Donc les joueurs avaient les lentilles infrarouges et pouvaient voir donc l'encre invisible sur les cartes et repérer forcément comment ils devaient jouer au poker. Ils ont gagné grâce à ça quand même 44 000 euros au casino donc à Cannes. Et le problème, c'est que quand on gagne des très grosses sommes comme ça au casino, on est un peu dans le collimateur des patrons du casino. Donc ils se sont dit qu'il y avait peut-être un problème quelque part. Ils ont donc surveillé les trois arnaqueurs qui se sont un peu des débiles, hein, puisque le lendemain ils sont revenus et ils ont encore gagné 20 000 euros. Mais oui, mais au lieu d'aller à la limite dans un autre casino, voilà, ou de se dire bon, on va rester tranquille pendant un mois ou deux, tu vois, histoire d'eux, mais non. Donc, sur le coup, ils ont été très bêtes. Donc le lendemain, ils ont gagné 20 000 euros. Là, hop là, on leur est tombé dessus. L'enquête a mené à la découverte de ces fameuses lentilles infrarouges et le jeu de cartes truqué. D'accord, ouais. Donc comme quoi, les scénarios de films sont bien tirés de quelque part. Ah, ils sont complètement cons. Bon, enfin, genre, c'est tellement plus simple de compter les cartes. Mais oui. Bah, c'est ça, évidemment. Ouais. Bon, dans un instant, on vous rembourse les factures. 6322, débutez votre message par facture. Comme par exemple, une facture qui est arrivée de 117 euros pour un lit. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Un terrarium, 410 euros. Oui, c'est bien cher pour un terrarium. Hein. 170 euros pour Proximus, 49,46 euros pour un marteau. Beau marteau, quand même. Qu'est-ce qu'il y a aussi 65,48€ pour Proximus, encore une fois. Bref, vous envoyez vos messages au 6322, code facture, bonne chance. Liquili sur Fun Radio, I Follow Rivers. Tous les matins, Mickaël à la radio avec dans un instant les écrans plats à gagner et les factures qu'on rembourse maintenant. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et à 7h10, 8h10 et 9h10, on vous appelle en direct chez vous, peut-être pendant que vous êtes en train de dormir, c'est possible, pour vous réveiller et surtout pour vous rembourser vos factures en toute simplicité. On appelle maintenant, on appelle et on rembourse combien, Tof? 42,80€. 42,80€, d'accord, ok, très bien. On remettra le couvert à 9h10 quoi qu'il arrive. Hein. Si elle, il ou elle décroche là et qu'elle répond à la question, c'est gagné. 42,80€. Alors. Ce serait dommage que ce soit un échec. Coucou, c'est Frigo, ben, je suis pas là. Si c'est ce que tu vas faire après, bisous. Oh bah alors, j'ai pas compris ton prénom. Tu parlais trop vite sur ton répondeur. Mais c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun. Et on t'appelait pour te rembourser ta facture de 42,80€. Malheureusement, tu n'as pas décroché. Pire même, ça n'a même pas sonné. Eh ben écoute, je suis vraiment désolé, hein. Tu passes donc à côté des 42,80€, le public est déçu. Ah oui. Oh. Eh oui, on a un grand public le matin à la radio, faut le savoir. Ouais. Bon, bah écoute, tant pis, tu retentes ta chance quand tu veux, en tout cas, je te fais des gros bisous et tu reviens quand tu veux sur Fun, à bientôt. Bah les autres, c'est une bonne nouvelle pour vous, hein. Puisque du coup, vous allez pouvoir faire quoi? Eh ben vous inscrire maintenant, on ne sélectionnera que ceux qui s'inscrivent entre 8h10 et 9h10, 63-22, débutez le message par facture, avec le montant et l'objet de la facture. On demandait 105€ là pour la taxe poubelle, 500€ pour l'Electrabel, c'est au tas de Bruxelles, quand on disait que c'était cher, tiens. 139€ pour une base. 110€ pour la taxe de circulation, 81€ pour l'eau, 77,10€ pour Bellier-Com Télé, c'est Denis de Binche, 156€ pour la télé et l'internet. Bref, 63,22, débutez le message par facture. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Et à 8h11, on s'écoute un vieux son, tiens, direction 2001 maintenant, Blue Cantrell, Hit 'Em Up Style sur Fun Radio. Bon réveil. Blue Cantrell sur Fun Radio avec Hit 'Em Up Style sur Fun Radio, 8h15. Bon réveil tout le monde, dans un instant c'est l'horoscope. Mais avant cela, nous avons la réponse à la devinette qui colle. C'est Yuri qui est avec nous de Liège. Salut Yuri. Salut. Comment vas-tu Yuri? Tout va bien. Eh ben écoute, tant mieux Yuri. Eh ben oui, exactement. Au-dessus de Bruxelles, il fait beau. Ah bah un petit peu partout, hein. Bah je pense, hein. Dans toute la Belgique, ouais. Il fait beau là, n'est-ce pas Julie? Oui, il fait beau, mais il fait froid. Mais il fait beau, mais il fait froid, effectivement. Il fait combien là à Liège à peu près là en température, tu sais Yuri? Ouais, il est 5 degrés. Hein. 5 ouais, c'est ça, ouais, on s'accaille un peu quand même. Hein. Bon, 99 ouais. FM pour écouter Fun Radio dans toute la cité ardente. Et Yuri, tu as la réponse à la devinette qui colle. Je te répète la devinette. Oui. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? Eh ben, c'est le suicide. Oui, et la deuxième réponse possible, c'était le crime parfait. Ce qui arrive relativement rarement, évidemment. Bon, en tout cas, bravo à toi. Ouais, bah ouais, Yuri. Enfin, en tout cas, on sait pas, ça se trouve, c'est super souvent. Mais s'il est parfait, c'est qu'on le sait pas. C'est ça le problème. Voilà. Bah ouais, faut voir ça comme ça. Bon, donc, bah Yuri, tu repars avec l'écran plat. L'écran plat ou la console, enfin le pack Nintendo Wii? Oh, je vais prendre l'écran plat. L'écran plat, eh bah écoute, tu vas gérer tout ça au standard. On va te repasser directement le standard. Tu gères avec eux, d'accord? Ok, super. Merci. Salut Yuri, passe une bonne journée, bon week-end, à bientôt. Merci, bon, bah. Eh ben bonne chose de faite, passons maintenant à l'horoscope bien sûr. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope c'est chaque matin 7h15, 8h15, 9h15. Et donc là 8h15 on est parti. Pardon de nouveau, j'ai eu l'OK là. Avec Doudou, tiens, vous saviez qu'on peut lire l'avenir avec la taille des seins, Doudou? Ah bah non, pas du tout, alors qu'est-ce que c'est que vous me racontez là? Bah en fait ce sont des chercheurs polonais qui ont découvert que les hommes avec un penchant pour les tailles de bonnet C et plus avaient des relations plutôt courtes et que souvent il y avait tromperie. Mais ceux qui disaient être satisfaits avec de plus petites tailles recherchent une relation stable. Ah c'est intéressant ça, Julie, faites voir un peu votre avenir. Hein. Non Doudou, c'est la préférence des hommes, pas la taille de ceux des femmes. Hein. Ah bon, pardon, ouais, je me suis trompé. Et c'est vous préférez grave. Quoi comme taille alors? Moi, c'est. Ah oui, d'accord, ah, donc vous n'êtes pas très fidèle. Bah si, pourtant si, mais bon. Bon, les béliers. Alors c'est parfois mieux de ne pas claironner une idée, hein, sous tous les toits. Évidemment. Les taureaux. Rien ne viendra déranger un dîner romantique. Votre partenaire appréciera sûrement cette petite surprise. Les gémeaux. Le stress augmente votre envie de vacances ou peut-être d'une pause, mais ne vous découragez pas comme ça. Les cancers. La réussite à venir va vous dédommager de tous les efforts que vous avez faits. Les lions. Votre jalousie n'a pas sa place dans cette journée. Les vierges. Soyez prudents avec les soi-disant amis au travail. Vous parlez beaucoup de choses. Les balances. Ne faites pas trop de promesses aujourd'hui. Les scorpions. Un peu d'égoïsme ne fait pas de mal. Les Sagittaires. Vos chances financières et professionnelles ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Les Capricornes. Votre rayonnement ouvert et positif facilite les rencontres de nouvelles personnes. Les Verseaux. Si vous rencontrez pardon, des problèmes, vous les maîtrisez avec le sourire. Et enfin, les Poissons. Vous avez particulièrement besoin d'affection et de sécurité aujourd'hui. Mais bah très bien, on vous retrouve dans une heure encore une fois, Doudou. Bah oui. Et dans un instant, ce sera la nouvelle énigme qui colle. Restez bien là, il y a le dernier écran de la semaine à gagner. Écran ou pack Nintendo Wii. Le temps d'écouter le son de Sahara avec Shaggy. C'est Champagne sur Fun Radio. Et la déclaration express, ce sera juste après. Mickaël à la radio. Yeah, it's morning time affair. Shaggy. Mickaël. À la radio. Fun Radio. Yes. C'est Fun Radio avec Sarah et Shaggy à l'instant et la belle demoiselle qui chante dans ce clip magnifique. On a reçu d'ailleurs hier, photo à mater sur le Facebook, on va les mettre facebook.com/Mickaël officiel ou encore plus simplement sur mickaël.fm, c'est le blog de l'émission, c'est encore plus facile comme ça. 8h23, bon réveil tout le monde. Nous allons faire maintenant la déclaration express avec Sébastien Loeb qui est revenu dans le Dorlect. Ouais. Voilà, qui a failli se faire taper. Oui, il y a des gens d'ailleurs qui disaient que si tu pouvais fermer ta gueule avec ton chant de supporter liégeois pourri. Voilà, c'est ce qui avait été dit. Hein. C'était Mauve Army. Bon, voilà, à peu près. Hein. Je rappelle que c'est Anderlecht Standard ce dimanche à 18h. On suivra bien évidemment le match. On aura les premiers résultats d'ailleurs dès 20h dimanche soir dans la Libre Antenne que j'aurai de nouveau la chance d'animer à nouveau puisque Vince part en vacances. Voilà, ouais. Donc à partir de lundi, on sera là à partir de 20h et on fera le matin et le soir. Voilà, donc on sera en pleine forme. Voilà. Bon, ça, ce sera parfait. Mais ouais, comme ça, on sera en pleine forme. Je vous imaginez votre état. On sera très, très bien. Ouais. On devait avoir Nicolas là pour la déclaration express. Bien évidemment, il ne décroche pas, sinon c'était pas drôle. Ah, donc, on va. Il a pas les colonnes. Et donc, du coup, on va appeler directement Sandra. Donc, Nicolas qui appelait pour faire une déclaration express à Sandra. C'était dans quoi, Loeb? Ils étaient déjà ensemble ou Non, en fait, il l'a rencontré dans un salon de beauté. En fait, il devait venir. D'accord. Il devait se faire épiler et c'est elle qui s'est occupée de lui. Quoi. D'accord, ok. Bon, bah, du coup, j'appelle. Il a fait le maillot. J'appelle Sandra directement. Allez. Oui, allô. Allô, Sandra. Oui. Oui, salut Sandra. Tu sais qui je suis? Non. Non, bah je vais te le dire. C'est Mickaël. T'es en direct sur Fun Radio, dans Mickaël à la radio. Et je t'appelle de la part de Nicolas. Nicolas, apparemment que tu as eu l'occasion de t'occuper de lui. Oui. Tu vois, oui, intime. Voilà, tu vois qui s'adapte tant mieux. Oui, pas forcément. Et donc, du coup, il a participé à la déclaration express. Et il a une déclaration express à te faire. Écoute-la bien, c'est Loeb qui va la chanter. Écoute bien. Ça fait quelques temps qu'on s'est rencontrés. Tu travaillais en ville dans un salon de beauté. Et le jour où je m'y suis pointé, c'était toi la meuf qui a dû m'épiler. Je t'ai demandé le dos et les roupettes. Oui, j'ai crevé de mal, tu m'as pas épargné. Si t'avais pas été si bonne, je t'aurais insulté. Par contre, quand t'as éternué, ta morve sur mon dos, ça m'a pas fait kiffer. J'en avais même sur les fesses et dans l'arène. Tenez mon mouchoir, tenez mon mouchoir. Essuyez tout ça parce qu'on dirait une mare. Et puis là tu m'as dit, j'ai du Scotex jusqu'ici. J'ai eu ton numéro de phone. J'ai dû donner 100 balles en plus pour que tu me le donnes. Donc si on va bouffer, ouais c'est toi qui devras m'inviter. Oh non, oh non, non, non, da. Da da la la, di la da. Là on va le laisser da da la la, da di la da. De da di de di da. Mais voilà. Et la déclaration express qui vient d'être faite. Donc Sandra, tu es toujours là? Oui. Qu'as-tu pensé de cette déclaration express? Assez original, je dois dire. Ouais, effectivement. C'est un peu, mais alors, on devait avoir Nicolas, mais il n'a pas eu les colonnes de passer. Il était un petit peu timide, peut-être, ou peut-être qu'il n'avait pas de réseau, c'est possible aussi. Donc, comment ça se passe avec Nicolas, physiquement parlant? Je crois qu'il s'en sort assez bien, hein, à mon avis. Ouais, mais est-ce qu'il va bien se sortir quand vous allez vous voir la prochaine fois? En fait, on a organisé un petit rendez-vous sympa. Ouais. Ah, sympa avec des bougies. Aller manger un bout. D'accord. Je sers bien, un petit côté assez romantique. Bah, déjà, c'est, ça va être au top du romantisme puisque c'est toi qui vas payer. Donc. Non, c'est pas la classe, par contre. T'as vu un peu là, c'est toujours les mecs qui doivent payer. Merde, après tout là. Ah non, non, mais c'est beaucoup moins. Je suis désolée depuis des années. L'égalité des sexes. Ou même on paye quoi. Donc maintenant, il faudrait revenir justement à ça quoi. Maintenant, c'est l'homme qui doit tout payer. Mais, bah non, mais pas bah, du tout justement. D'ailleurs, je suis disponible pour toutes les filles qui m'inviteraient à manger. Hein. Ouais, bon, ça, ça on me fera que manger, hein, y a pas de problème. Mais moi, je suis disponible pour manger, pas de problème. Je passe un message disponible à mon homme. Invite-moi au resto, s'il te plaît. Ouais. C'est trop cher. Tu me coûtes trop cher. Non, non, mais les hommes font ça beaucoup moins. Ça. Bah oui, c'est normal. C'est un peu dérangeant. Tout à fait. Tu veux qu'on l'appelle ? Non, non. Une déclaration express. Bon, Sandra, je te fais des gros bisous en tout cas. T'embrasseras Nico également. Et puis, bah, sortez couverts. Hein. Ah, pas de soucis. Ça marche. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à toi, Sandra. À bientôt. Et si vous aussi vous voulez faire une petite déclaration express, eh bien, inscrivez-vous. 3044, démarrez le message par déclaration. Je vais y arriver à démarrer, moi. Et puis, vous pouvez faire aussi un mail à lob@funradio.be. Restez bien là, juste après la pause et avant l'info, on vous donnera une fois de plus une nouvelle énigme pour repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Et après l'info, on écoutera le son de Jason Derulo également avec It Girl. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Restez bien là, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël à la radio. 8h30 sur Fun Radio dans un instant, c'est l'info qui arrive, on remboursera vos factures aussi tout à l'heure, ce sera dans 40 minutes, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis bah c'est l'écran plat qu'on vous fait gagner maintenant, la devinette qui colle, écran plat ou le pack Nintendo Wii, c'est le dernier de la semaine. Et écoutez bien la devinette, c'est la dernière. Sans elle, certains ont peur, mais une fois mise, elle chasse les mauvais rêves. Surtout pour les enfants. Sans elle, certains ont peur, surtout les enfants donc, mais une fois mise, elle chasse les mauvais rêves. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, 1€ le message pour gagner un écran plat ou le pack Nintendo. Oui, bonne chance. Et à 8h31, on passe aux infos maintenant. Salut Julie. Salut Mickaël. Une réunion entre syndicats et la direction d'ArcelorMittal devait se tenir hier, mais elle a été annulée. Et ce matin, on ne sait toujours pas quand elle sera reportée. Et des assemblées d'informations au personnel sont organisées sur les différents sites d'ArcelorMittal ce matin. Les syndicats comptent faire le point sur la situation avec les travailleurs. Pour rappel, 600 emplois sont menacés. La Belgique aura donc un gouvernement tripartite sans les Verts. Sous la pression du CD&V et de l'OpenVLD, le formateur Elio Di Rupo se sépare donc d'Écolo et de Groen. Jean-Michel Javot des Écolos s'est dit perplexe, mais les présidents d'Écolo et de Groen ont confirmé qu'ils resteraient loyaux à l'égard de la réforme de l'État à laquelle ils ont contribué. Les six parties qui vont négocier se retrouvent aujourd'hui pour établir une méthode de travail pour préparer le volet budgétaire et socio-économique pour l'accord du gouvernement. Les syndicats prient le gouvernement à relancer rapidement les activités de la banque Dexia. L'État a sauvé la banque le week-end dernier. Par contre, le holding aux mains des communes et des provinces, premier actionnaire de Dexia, se retrouve bien dépourvu. Ses actifs valent 2 milliards d'euros, mais au cours de la bourse actuelle, ils n'en valent plus que 400 millions. La région flamande plaide pour une liquidation du holding, mais le ministre des Finances, Didier Reynders, attend lui une position commune des trois régions. L'église catholique décline. Dans un rapport, les chercheurs du CRISP constatent le déclin d'une église tiraillée entre progressistes vieillissants et néoconservateurs. 7% à peine des Belges se marient encore à l'église, et alors que le cadre du culte catholique compte 6900 postes, à peine 2700 prêtres sont effectivement en fonction. La baisse de la pratique religieuse s'accélère, et surtout à Bruxelles. La plainte de Tristan Bannon contre Dominique Strauss-Kahn est classée sans suite. Les faits sont reconnus en tant qu'agression sexuelle, mais datant de 2003. Ils sont prescrits pour le parquet de Paris. La romancière avait prévenu que si le parquet prenait une telle décision, elle déposerait immédiatement plainte avec constitution de partie civile. Et puis une semaine après Fitch, Standard & Poor's abaisse d'un cran la note de l'Espagne, passant donc à AA-. L'agence de notation cite les perspectives incertaines de croissance du pays et la probable poursuite de la détériorisation du système financier espagnol. Dans un instant sur Fun Radio, Jason Derulo avec Hit Girl et c'est la météo maintenant. Dès les éventuelles nappes de brume ou de brouillard dissipées, le temps sera lumineux. Attention, ça caille ce matin de 0 à 6 degrés, de 10 à 15 degrés. Et cet après-midi, ce week-end, toujours sous le soleil, mais avec des nuits très froides. Très bien, donc faites attention quand même, évidemment, si jamais vous prenez la route. 8h34 sur Fun Radio dans un instant. On vous rappelle encore une fois la petite devinette qui colle, mais avant cela... Fun Radio. Fun Radio. C'est bien sûr l'info en plus à 8h34. Alors, on connaît le patron de Ryan. Michael O'Leary qui a toujours un peu près idées, de ses sous, hein. Il est un peu fantasque et controversé, il a toujours des idées un peu dingues et toujours effectivement près de ses sous peut-être, mais pour baisser le tarif de ses billets. Donc Ryanair, c'est la société aérienne low cost, donc la compagnie aérienne qui offre des billets d'avion vraiment vraiment pas chers. Et donc lui, il fait déjà tout payer dans son avion pour gagner de l'argent et donc faire baisser ses billets de vol. Et maintenant, il a une nouvelle idée, il veut supprimer deux des trois WC dans ses avions. Mais bien sûr, tant qu'à faire, hein. Et donc, seule une toilette serait à la disposition, donc en moyenne à 200 voyageurs. Et bon, d'après lui, d'après lui, il pourrait baisser le tarif de ses billets de 5%. Et il rappelle quand même que les transporteurs aériens n'ont aucune obligation légale de fournir des toilettes à leurs passagers. C'est ça qui est sympa. Mais oui, c'est ça qui est cool. Prenez Ryanair, mais par contre, vous allez devoir vous retenir. Hein. Ouais, après, on se demande pourquoi Depardieu et puis dans une bouteille. C'est voilà, ça. Exactement. je m'attendais à ce que quelqu'un fasse la remarque. Tu nous connais. Je rappelle qu'il avait déjà proposé de faire payer ses toilettes. Mais oui, mais il a raison, bien sûr. Des idées un peu dingues. Bon, Jason Derulo, on va l'écouter tout de suite avec Hit Girl sur Fun Radio. Bon réveil, il est 8h35. Dans un instant, restez bien là. Je vous rappelle la devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Jason Derulo sur Fun Radio avec Hit Girl, 8h38. Dans quelques instants, on parlera de la... Bon, on écoutera les messages de la ligne anti-relou. Et puis, nous parlerons également des problèmes sur la route. Si vous êtes d'ailleurs témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas à nous les signaler s'il y a plusieurs problèmes. Au 3044, vous envoyez votre message. N'hésitez pas, c'est 50 centimes le message. Ou alors, vous nous envoyez tout simplement un mail si vous avez un smartphone et que vous êtes dans la voiture sur mikl@funradio.be. Et si vous n'avez pas de smartphone, sachez que la bonne nouvelle, c'est que dès lundi, on vous offrira en primeur absolue, en exclusivité totale, le nouvel iPhone 4S, le nouveau bébé, le nouveau bijou de chez Apple. Alors qu'on vous offrira. Oui, effectivement. Qu'on vous offrira donc dès lundi, 6h du mat sur Fun Radio. Faites bien passer le message à tout le monde d'ailleurs. Alors, la petite devinette qui colle. Sans elle, certains ont peur, mais une fois mise, elle chasse les mauvais rêves. Bah, ils ont peur, c'est surtout les enfants qui ont peur. Hein. Qui suis-je ou que suis-je? On proposait la lampe de chevet. Non, c'est pas ça, c'est plus général, on va dire ça comme ça. Un indice éventuel à donner? Parfait, c'était un indice, c'est magnifique. Indice. Ah ouais, super. Sans elle, certains énorme. Ont peur, mais une fois mise, elle chasse les mauvais rêves. Comme le disait Christian Clavier dans un film Jour-Nuit. Jour-Nuit, et ainsi de suite. Évidemment. Ouais. Évidemment, voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, on nous signale un bouchon en plein centre de Liège aussi. Bon, on en parle dans un petit instant. Justement, 63-22, vous envoyez votre message avec la bonne réponse et vous repartirez peut-être d'ici quelques minutes avec un écran plat ou avec le pack Nintendo Wii. Et dans un instant aussi, le son de Lucenzo et Don Omar. Et si vous aimez ce style de musique, rancard ce soir également à partir de minuit, l'invasion de Latina avec Manu, c'est juste après Keep It Real. Et ce sera Danza Kuduro sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini, je suis super heureux d'être en Belgique, mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et il est 8h43 sur Fun Radio, restez bien là dans un instant, c'est Lucenzo et Don Omar. Comme promis, on parlera également avec la ligne anti-relou, enfin pas avec, mais en tout cas on mettra les messages de la ligne anti-relou. On parlera de l'infotrafic et puis vous le savez que ça va pas très fort chez Lexia en ce moment. Lui en a parlé d'ailleurs il y a encore un quart d'heure dans les infos. Du coup, ça nous a donné une petite idée pour refaire la publicité de Dexia pour le New Family Plane qui, avec les derniers événements, a bah forcément dû un petit peu changer de nom forcément. Hein. Pour toutes les faillites qu'on a causées, pour toutes les sociétés qu'on a ruinées, pour les collectivités qui se sont endettées, pour tous les actionnaires qui ont perdu leurs économies et pour toutes les conneries qu'on a faites. Et ça, grâce à l'argent de l'État belge. Chapeau. Spécialement pour vous, Dexia crée New Faillite Plan. Parce qu'on ne va pas arrêter de s'en mettre plein les poches et que c'est vous qui allez continuer à payer. Découvrez tous les désavantages sur dexia.be/newfaillite plan. Avançons ensemble vers la ruine. Dexia. Voilà, écoute, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on essaye de rendre service. Hein. Parfaite. Nous, on essaye de rendre service. Allez, bougez pas, on revient dans 3 minutes sur Fun. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 8h47 sur Fun Radio, c'est parti maintenant pour l'info trafic. Que se passe-t-il sur les routes? Hormis le bordel à Liège, a priori, là. Soyez prudents, il y a un trou dans la chaussée, le 42 Mons en direction de Tournai, à hauteur de Pomerol. C'est la bande de droite qui est obstruée, la situation est dangereuse. C'est au kilomètre 3. Sans déconner. C'est ça, oui, il y a un trou dans la chaussée, c'est dangereux. Normal. Bon, bah, si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, hein, problème, accident, radar, bouchon, vous nous dites. 30-44 par SMS, c'est 50 centimes le message, ou alors sur le mail mikael@funradio.be. Allez, dernier rencard maintenant avec la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Je sais pas si vous avez remarqué, bon, vous auditeurs, évidemment, vous êtes derrière la radio, vous n'aurez pas remarqué, mais je parle à Julie et à Toff. Par exemple, depuis qu'on a Noémie qui est en stage, oui. L'homme n'apporte plus le café. Hein. Non, mais ça fait jamais qu'une heure qu'on l'attend, le café, là. On peut plus rien demander. Rien. Il est coincé avec elle dans le bureau. C'est ça. Ouais, mais il la forme. Oui, il regarde ses formes. Après, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, je suis passé dans le bureau, là, il avait ouvert la fenêtre parce que je pense qu'il était tellement en chaleur qu'il avait besoin de se. Ah ouais, il transpirait un peu. Mais oui, il transpirait, normal. Bon, allez, la ligne anti relou sur Fun Radio maintenant, c'est parti, on écoute le premier message. Ouais, alors Cocotte, j'ai raté un épisode là, parce que tu me fais prendre une chambre d'hôtel pour le Nutella, tu m'emmènes sur mon tiche, tu me dis que tu vas aller chercher une pizza, je t'attends, pour le Nutella, tu sais où tu peux te le foutre, hein. Connasse, bah ouais, mais connasse, ouais, écoute. Il a mis le pot de Nutella sur son tiche. Ben, c'est voilà, ça. Il attend toujours sans pizza. Et bah, il fait rien du tout. Connasse, tu rigoles ou quoi? Arrête un peu. Ah ben non, je voulais juste mettre le petit connasse et malheureusement il a pas marché. Ah non. J'avais juste un petit bruitage à la con, c'est dommage. Mmh. Attends, je vais quand même essayer de le remettre quand même, le petit connasse. C'est spécial. Essaye. Oh là, ça me fait marrer. Allez, deuxième message. Coucou bébé, c'est moi, Frédéric. Mon sextoy. Tu te souviens de cette super nuit de rêve qu'on a passée ensemble? Oh là là. On a bien couché. Il y a trop de la couche. Ça n'a perdu pas l'hôpitation. Oh oui. Viens dans mon lit, je t'attends. Faut qu'on se refasse la totale à cette fois. J'ai envie de vomir. Oh, quelle horreur. J'adore les trop de la couche. C'est ça. La quoi, la couche culotte? Bah, je ne sais pas. Allez, dernier message. Bande de flamands, j'ai pris tous les gens pour des cons, quoi. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était sur la ligne anti-relou. Je pense aussi, oui. Une victime, et c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pardon. Bon, 8h49 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. La ligne anti-relou revient bien sûr dès lundi à partir de 6h, ainsi que l'iPhone 4S qu'on vous offrira dès lundi sur Fun Radio. Soyez bien là, bah ouais, restez bien sur Fun Radio. Et puis je vous rappelle encore une fois la devinette qui colle pour repartir avec un écran plat. C'est le dernier qu'on vous file, la dernière de la semaine. Sans elle, certains ont peur, mais une fois mise, elle chasse les mauvais rêves. C'est surtout les enfants qui ont peur. Hein. Si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas une tutute comme on dit sur les SMS au 6322 à 1€. Le message, ce n'est pas mignon, ça. Mais oui, une tutute. Mais non, mais c'est pas ça. C'est surtout pour les enfants, mais c'est électrique. Voilà, c'est ça en gros. C'est électrique jour nuit, comme disait Clavier dans Les Visiteurs. C'était une tutute électrique et j'avais pas du tout sales idées que j'avais traversées. Oui, mais c'est pas ça. Voilà, la réponse 63-22. Sans elle, certains ont peur, mais une fois mise, elle chasse les mauvais rêves. Écran plat ou pack Nintendo Wii a gagné. Le temps d'écouter le son de Lucenzo maintenant en Don Omar. C'est Danza Kuduro sur Fun Radio. Il est 8h51. Bon réveil. Le son de Lucenzo et Don Omar à l'instant sur Fun Radio. Danza Kuduro. Il est 8h54. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle, je vais vous la rappeler. On appellera également pour vous rembourser vos factures. Ce sera dans un quart d'heure. Pour vous inscrire, 6322 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme les messages qui sont arrivés. Là, il y a 104€ pour l'électricité, 40€ pour le prêt de livres scolaires. Il y a également 35€ pour des manuels scolaires pour ma fille, 28,97€ pour Esprit, c'est des fringues. Ça, 100€ pour la redevance télé, 520€ pour l'eau. Il faut consommer moins d'eau maintenant, un petit peu. Hein. 75€ pour une facture, mais on ne sait pas laquelle. Donc, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, il vous reste un quart d'heure pour vous inscrire. 63-22. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et comment bien détruire un couple en 3 leçons avec Toff? Non, je suis pas d'accord. Moi, j'essaie pas de les détruire. Si, un peu quand même. Si tu fous la merde. Je veux juste vérifier un sondage qui dit que les femmes pardonnent beaucoup plus facilement de s'être fait tromper. Et donc voilà. Donc c'est tout, moi je veux juste vérifier. Ouais, et pour ça tu vas vraiment leur faire croire que c'est arrivé. Bah oui, c'est la mise en situation, c'est important. Ouais. Bon, si tu pouvais pas juste demander comment ils réagiraient, si voilà. Bah non, non, parce que là la marge d'erreur serait trop grande. Ça, non, je peux pas. Ouais. Faut que je les mette directement en confrontation avec le problème. Bon, on a appelé Anne Saint-Pierre tout à l'heure, c'est à Louvière, ça. On a malheureusement pas eu de réponse puisque bah c'était une maman italienne qui comprenait pas très bien le français. Puis on a appelé à Carnion, on a réveillé les gens là, aussi des Italiens, bizarre d'ailleurs. Et puis maintenant on va appeler Flémal. Ah oui. Flémal, allez c'est parti, on si appelle à Flémal. Flémal. Eh oui, c'est drôle ça. Allez, c'est parti, on appelle. Il dort pas quand même à 9h là. Il faut le temps qu'il se bouge jusqu'au téléphone. Allô ? Oui, allô, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, je vous appelle au sujet de votre mari. Quel numéro vous. Qu'est-ce que vous voulez, s'il vous plaît ? Oui, voilà, vous avez un mari ? Évidemment que oui. Oui, voilà. Mais je vous appelle en fait pour vous annoncer une nouvelle un petit peu difficile, mais votre mari va voir ailleurs. Mais en fait, monsieur, mon mari est ici, est au lit avec moi. Oui, oui, maintenant, mais il n'est pas toujours au lit avec vous. Il est parfois au lit avec d'autres filles. Mais en fait, vous trouvez que ça fait plaisir, ça vous fait plaisir de téléphoner ? Mais non, ça des nouvelles idiotes. Ça ne me fait pas plaisir, mais voilà, il fallait que je vous le dise, il fallait que vous le sachiez, quoi. Je veux dire, c'est voilà, moi je sais que votre mari vous trompe, et voilà, moi j'avais besoin de vous le dire, quoi. Je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas ? Enfin, non, mais merci de m'avoir téléphoné. Bah, je vous en prie, moi, c'est juste, je voulais savoir, est-ce que vous allez lui pardonner ou pas ? Essayez d'aller dormir, il est trop tôt pour parler. Oui, oui, mais est-ce que vous allez pardonner à votre mari qui vous a trompé ? Écoutez, vous ne devez pas faire ça. Vous devriez regarder ce qui se passe chez vous. Oui, mais moi j'ai vu chez vous et donc c'est pour ça. Moi c'est pour ça que je vous appelle. C'est très bien. Merci beaucoup d'avoir téléphoné. Ouais, je vous en prie, madame. Hein. Au revoir. Au revoir. Non, mais rappelle-la, dis-lui, c'est une connerie. Après, elle va lui défoncer, là. Elle te remercie, en tout cas. En plus, elle te remercie, ouais. Ouais. Bah, on sait pas s'il va lui pardonner ou pas. Hein. Non, on sait pas ça par contre. Ça c'est dommage par contre. Il va peut-être se faire défoncer comme Bah oui, peut-être. Merde. Peut-être. Ouais. Non, mais cela dit, rappelle-la, hein, la pauvre. T'imagines après, ça se trouve, elle va avoir un doute. Enfin, tu vois. Non, c'est horrible, moi je trouve ça. C'est ça qui est bon. C'est l'horreur. Ah oui, d'accord, ok. Et t'as pas appelé Julie pour voir si elle pardonnerait son mec au cas où ? Non. Ah, c'est même pas la peine. De quoi ? C'est même pas la peine. Toi, tu pardonnerais pas, toi ? Ah non, mais t'es malade. Elle dit ça. Tu pardonnes ça si ta copine te trompe ? Bon, ça dépend. Non, mais ça dépend après. Ça dépend si. Alors, imaginons. Alors. Ah ouais, vas-y. Non, imaginons. Comme ça, elle écoute, comme ça, elle sait ce que tu fais. Mais non, mais c'est pas ça. Mais imaginons, ça arrive une fois, bourré, une fois. Ouais. Si c'est fait, bon, déjà je veux pas le savoir surtout. Hein, si jamais je ne veux pas le savoir, vraiment pas. Alors, mais bon, si jamais je le sais, mais non, mais c'est pas ça. Mais voilà, si quoi. Ça arrive un one shot, c'est un accident. Bon voilà, elle a fait mais une erreur. Horreur, ça peut arriver. Mais si un accident, c'est qu'il y a un problème non, dans le couple. Et si elle se fout de ma gueule pendant effectivement ça fait 6 mois qu'elle est avec un autre. Là par contre ouais, ou même si ça fait 3 fois, je veux dire d'affilée. Ouais non là non. Mais sinon voilà après. Ah non, moi c'est même pas la peine. Mais de toute façon, s'il y a ce genre de choses qui se passent dans un couple, moi je pense que c'est qu'il y a un problème. Donc, mais ça si avec l'alcool, tout ça, parfois tu fais des conneries. Mais l'alcool de rien du tout, l'alcool te désinhibe, c'est tout. Désinhibe les envies, les choses que t'as envie de faire. Donc si tu trompes ton copain ou ta copine, c'est qu'il y avait déjà un problème. Donc ça sert à rien de continuer. Alors que Julie nous a dit quand même en antenne qu'elle n'avait rien à foutre qu'elle pouvait oui, tromper. Hein. Ouais, ça ouais, c'est ouais, dégueulasse ouais, quand même. Ouais. Tu vois, encore une fois, les mecs et les meufs sont pas au même niveau, je suis désolé. Ouais. On est beaucoup plus. On est beaucoup plus attachés. Je suis vraiment très déçu, quoi. Bon, David Guetta arrive dans un instant avec Saga, c'est Titanium sur Fun Radio. Mickaël à la radio, tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. 8h59 sur Fun Radio, tiens, il y a un message qui est arrivé. Moi, tu me fais ça, Tof, je monte à Bruxelles et je te défonce. Ah, mais voilà. C'est gentil. On est bien d'accord. Voilà. Dans un instant, on rembourse les factures. Et là, 8h59, c'est l'info maintenant. Salut Julie ! Salut Mickaël. Une réunion. Tu vois, c'est calmé maintenant. Salut à tous. Une réunion entre syndicats et la direction d'ArcelorMittal devait se tenir hier, mais elle a été annulée. Et ce matin, on ne sait toujours pas quand sera reporté le conseil d'entreprise extraordinaire. Et des assemblées d'informations au personnel sont organisées sur les différents sites d'ArcelorMittal. ce matin. Les syndicats comptent faire le point sur la situation avec les travailleurs. Pour rappel, 600 emplois directs sont menacés. La Belgique aura donc un gouvernement tripartite sans les Verts. Sous la pression du CDNV et de l'OPNVLD, le formateur Elodie Rupo se sépare donc d'Écolo et de Groen. Mais les présidents d'Écolo et Groen ont confirmé qu'ils resteraient loyaux à l'égard de la réforme de l'État à laquelle ils ont contribué. Les six partis se retrouvent aujourd'hui pour établir une méthode de travail pour préparer le volet budgétaire et socio-économique de l'accord du gouvernement. Les syndicats prient justement le gouvernement à relancer rapidement les activités de la banque Dexia. L'État a sauvé la banque le week-end dernier. Par contre, le holding aux mains des communes et provinces, premier actionnaire de Dexia, se retrouve bien dépourvu. Ses actifs valent 2 milliards d'euros, mais au cours de la bourse actuelle, ils n'en valent plus que 400 millions. La région flamande plaide pour une liquidation du holding, mais le ministre des Finances Didier Reynders attend, lui, une position commune des trois régions. L'Église catholique décline dans un rapport. Les chercheurs du CRISP constatent le déclin d'une Église tiraillée entre progressistes vieillissants et néo-conservateurs. 7% à peine des Belges se marient encore à l'Église, et alors que le cadre du culte catholique compte 6900 postes à pourvoir, à peine 2700 prêtres sont effectivement en fonction. La baisse de la pratique religieuse s'accélère et surtout à Bruxelles. La plainte de Tristan Bannon contre Dominique Strauss-Kahn, je vais y arriver. DSK, oui, est classée sans suite. Les faits sont reconnus en tant qu'agression sexuelle, mais datant de 2003. Ils sont prescrits pour le parquet de Paris. La romancière avait prévenu que si le parquet prenait une telle décision, elle déposerait immédiatement plainte avec constitution de partie civile. Et puis une semaine après Fitch, Standard & Poor's abaisse d'un cran la note de l'Espagne à AA-. L'agence de notation cite les perspectives incertaines de croissance du pays et la probable poursuite de la détériorisation du système financier espagnol. Et restez bien là, dans un instant on vous rembourse les factures et surtout on va passer le son de David Guetta avec Saya, ce sera Titanium sur Fun Radio. Avant ça, c'est la météo à 9h02. Et ça caille ce matin, même si c'est sous un beau soleil, c'est de 0 à 6 degrés, 10 à 15 degrés cet après-midi. On annonce toujours un beau soleil pour ce week-end, mais des nuits très froides. Mais des nuits très froides, effectivement, c'est le problème. Bon, bah, bon courage hein, si vous êtes dehors actuellement, là. Et puis, dans un instant, donc, le remboursement des factures au 6322, code facture. Fun Radio. Fun Radio. Et avant de rembourser vos factures, c'est l'info en plus. Je voulais vous parler d'une arnaque au casino qui est digne d'un film hollywoodien. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Ce sont trois joueurs italiens avec l'aide de deux complices qui travaillaient dans le casino Barrière de Cannes. Ouais. Eh bien, ils ont mis donc en place une escroquerie très ingénieuse. L'arnaque consistait à introduire un jeu de cartes truquées, bon jusqu'ici on s'en doute, à de l'encre invisible à l'œil nu, mais visible grâce à des lentilles infrarouges. Donc ils marquaient avec l'encre invisible les cartes stratégiques, comme par exemple le roi, une croix pour le roi, une barre pour un as, etc. Et alors ils avaient des lentilles infrarouges pour lire donc cette encre invisible sur les cartes. Donc c'est quand même assez ingénieux et c'est quand même assez dingue, moi je trouve. On se croirait dans un film. Alors grâce à cette arnaque, ils ont réussi quand même à remporter 44 000 euros au casino donc à Cannes. Alors une chance incroyable qui n'a évidemment pas manqué d'éveiller les soupçons de la police. Parce qu'évidemment, quand vous allez jouer au casino et que vous gagnez un petit peu trop facilement, ça éveille les soupçons des patrons de casino. Et donc bah tu m'étonnes, ils aiment pas trop ça quand même. Ah, trop, ils aiment pas trop ça. Donc en général, ils surveillent un peu les trop bons joueurs. Et donc, bande de débiles, les trois arnaqueurs, enfin 5 en tout, puisqu'ils avaient deux complices dans le casino. Et donc un peu de respect quand même envers ces gens. Non mais bande de débiles, pourquoi? Parce qu'ils sont retournés le lendemain dans le casino pour encore soutirer 20 000 euros. Au lieu d'attendre un peu, non, le lendemain ils sont retournés direct. Donc évidemment là, la police elle les était sûre, elle les a attrapés. Et puis voilà, ils ont été... Au lieu d'attendre. Ils ont avoué qu'ils avaient effectivement utilisé des lentilles infrarouges. Ils auraient fait ça tous les deux mois dans des casinos différents. Mais oui, c'est ça, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont milliardaires aujourd'hui. Moi, franchement, ils auraient pu gagner bien leur vie hein, avant de se faire pécho. Mais enfin, bon, qu'est-ce que tu veux. 64 000 euros dans le vent. C'est ça. 9h04 sur Fun Radio dans un instant. Le remboursement des factures, comme là, 43,46 euros pour Beliacom, 129 euros pour le crédit pour des meubles de salon, 50 euros pour l'hospitalisation. Qu'est-ce qu'il y a également? 175 euros pour le cadastre, 79,51 € pour le chauffage, 500 € pour les pneus neige. Ah oui, ça c'est cher, ça par contre. Hein. 63,22, débutez le message par facture. On vous appelle en direct dans quelques minutes et ce sera peut-être vous qu'on appellera d'ici 3 minutes, juste après David Guetta. Et ça y est, qu'on écoute maintenant, c'est Titanium sur Fun Radio. Bonne matinée, c'est vendredi aujourd'hui, 14 octobre, il est 9h04. David Guetta sur Fun Radio avec Saya, c'était Titanium et on va payer vos factures maintenant. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, on paye vos factures chaque matin sur Fun Radio, 7h10, 8h10 et 9h10. On vous appelle en direct chez vous pour ceux qui se sont inscrits au 6322. Et si il ou elle décroche, répondent bien à la question, c'est gagné, la facture, on la rembourse. Et avant d'appeler, accident sur le ring de Bruxelles, sortie 16 à Anderlecht, direction Halle. Tout à l'arrêt, il y a trois véhicules impliqués, c'est la bande de gauche et la bande du milieu qui sont bloqués. Donc si vous êtes sur le ring de Bruxelles, vers Halle, entre Berkem et Halle, donc faites gaffe, c'est effectivement le bordel à la sortie 16 à Anderlecht. On va rembourser combien, Toff, du coup, alors, maintenant? C'est une bonne question. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bonne question. T'as pas encore fait ton choix? Si, mais j'ai fait refresh et ça a disparu. Ah merde, c'est emmerdant, ça. Oui, c'est embêtant. Mais attends, oui. Ça va revenir. J'espère. Ça va revenir. Parce que sinon, on va perdre un équipe de temps. Voilà, ça y est. Voilà, elle est revenue. Donc, du coup, on rembourse combien? 99,10€. 99,10€. Très bien. Bon, on appelle maintenant. C'est parti. On appelle cette personne. Si il ou elle décroche et répond bien à la question que je vais lui poser, eh bien, elle repartira avec le remboursement de sa facture, c'est-à-dire 99,10€. Allez. On ne sait pas pourquoi c'est par contre. Alors bah non. On ne peut pas tout savoir non plus, évidemment. Allez. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour, je vous dérange? Non. Non. Qui paye vos factures le matin? Oh, c'est Fun Radio. Oh, t'as vu la différence de ton? Allô. Allô. Hey, allô. C'est pour ça que j'ai dit je vous dérange. J'attendais qu'elle me dise oui, je leur ai dit va te faire foutre. Comment tu t'appelles? Nathalie, t'es dans quelle ville, Nathalie? Jumet. Ah, Jumet, d'accord, ok, très bien. Et t'as une facture de 99,10€ qu'on doit rembourser là, c'est pour quoi faire? Ouais, c'est pour la mutuelle. C'est la mutuelle. Eh ben écoute, y'a pas de problème. Ah ouais. Eh ben tu pourras t'acheter des nouvelles dents. Eh ben voilà, 99,10€, on va payer la facture, y'a pas de problème. Hein. Nathalie, tu vas donc retourner au standard, on va t'expliquer comment faut faire. Comment faut faire? Ça va, d'accord, pas de soucis. D'accord. Merci, Fun Radio. Mais je t'en prie, y a pas de problème. Je te fais des gros bisous, à bientôt. Bisous, bisous. Et ben voilà, 99,10€ qui sont remboursés là, c'est parti. Si vous voulez vous aussi qu'on vous rembourse vos factures, sachez que c'est très simple. Il suffit de s'inscrire au 6322 par SMS, c'est 1€ le message. Et là, en l'occurrence, 99,10€ qui ont été remboursés, c'est pas mal. On remet le couvert, bien sûr, dès lundi à partir de 6h du mat. On aura les factures, on aura les écrans plats lundi et on aura l'iPhone 4S à vous offrir en exclu total. Donc soyez bien au rencard dès lundi sur Fun Radio, je compte sur vous. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle et on écoute Jim Classy Rose aussi avec Adam Levine, le chanteur de Maroon 5, c'est Stereo Hearts. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Le son de Jim Classy Rose et Adam Levine, le chanteur des Maroon 5. À l'instant, c'était donc Stereo Hearts sur Fun Radio. Il y a Enrique Iglesias qui arrive aussi avec Pitbull. Ce sera I Like How It Feels sur Fun Radio. Il y a 9h15 dans un instant l'horoscope. Mais avant cela, nous avons la réponse à la devinette qui colle. Pour jouer avec nous, il y a Massimo qui a 19 ans. Salut Massimo. Allô, bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça a l'air, hein, dis donc. Hein. Oui, Massimo, t'es en grande forme là. T'as l'air en pleine forme, Massimo, qu'est-ce qui t'arrive? Massimo? Allô, oui. Oui, tu as d'autres tensions, qu'est-ce qui t'arrive, Massimo? Non, rien du tout. Ah bon, d'accord, ok. Non, mais des fois que tu sois tu sors du lit ou un truc comme ça, je sais pas, hein, y a peut-être une raison. Non, tout non, ça. Je suis au boulot. Ah, c'est ça le problème alors, d'accord. Et tu fais quoi dans la vie, Massimo? Je suis ouvrier. Ouvrier. Très bien. Bon alors Massimo, tu vas peut-être repartir avec un écran plat ou avec le pack Nintendo Wii si tu réponds à la question. Sans elle, certains ont peur, mais une fois mise, elle chasse les mauvais rêves. Qui suis-je? Que suis-je? La lumière. Eh oui, la lumière, c'est une bonne réponse. Bravo ouais. Massimo. Eh ben c'est pour toi l'écran plat ou ouais. Le pack Nintendo Wii, tu choisis quoi? L'écran plat. L'écran plat, eh ben c'est plié, oui. Y a pas de problème, on va t'envoyer ça directement chez toi sans aucun souci, Massimo. Bah passe une bonne journée alors. Merci. À bientôt, merci Massimo. Salut. Ciao. Eh ben voilà, tiens, je sais pas. On doit être au 50e écran plat qu'on file là, je pense, hein, depuis qu'on a commencé l'émission. Minimum. Ah ouais, minimum. Ah ouais, minimum syndical. Bon, ben on remet ça, on remet le couvert dès lundi, y a pas de problème. Et en attendant, c'est l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. L'horoscope, c'est chaque matin, 7h15, 8h15 et 9h15, avec bien évidemment notre grand marabout que tout le monde. J'ai déjà eu des appels d'autres radios pour avoir notre marabout. Hein. Ils essaient de nous le piquer. Mais l'a attaché à sa chaise. Mais il est tellement bien payé ici qu'il ne veut pas partir et il a raison. Oh là là, oui, oh là là. Tiens, là. Doudou, vous prenez pas du petit-déj? Oh là là là. là, non, depuis que je viens ici, j'ai pris 10 kilos. Ah oui, mais il faut faire du sport, hein, Doudou, hein. Ah mais c'est ce que je fais, hein, mais j'ai pas assez avec Marie Laurence, Marie Sabine, Marie Lucie. Oui, bon, bah c'est bon, vous voulez pas toutes les, tout votre répertoire, ça je voulais dire. Hein. Bon, et puis je parlais pas de sport en chambre, je parlais de vrai sport, du vélo, de la course, enfin quelque chose, quoi. Ah oui, mais j'ai essayé de faire, le vélo, mais c'est pas très pratique, hein. Bon, laissez tomber, Doudou. Bon, l'horoscope, allez, c'est parti, ça c'est un bon sport aussi, ça, on va commencer par les béliers. Oui, alors c'est parfois mieux de ne pas claironner une idée, surtout les toits. Oui, c'est parfois mieux. Les taureaux. Rien ne viendra déranger un dîner romantique. Votre partenaire appréciera sûrement cette petite surprise. Les gémeaux. Le stress augmente votre envie de vacances ou d'une pause. Ne vous découragez pas. Mais non, il faut pas. Les cancers. La réussite à venir va vous dédommager de tous les efforts que vous avez déjà faits. Enfin. Les lions. Les lions, votre jalousie n'a pas sa place dans cette journée. Très bien, les vierges. Oh, soyez prudents avec les soi-disant amis du travail, hein. Vous parlez beaucoup trop. Eh oui, les balances. Ne faites pas trop de promesses aujourd'hui. Les scorpions. Un peu d'égoïsme ne fait jamais de mal. Les sagittaires. Vos chances financières et professionnelles ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Les capricornes. Votre rayonnement ouvert et positif vous facilite la rencontre de nouvelles personnes. Les verseaux. Oh là là, si vous rencontrez des problèmes, vous allez les maîtriser avec le sourire. Ah bah très bien. Et enfin les poissons. Vous avez particulièrement besoin d'affection et de sécurité aujourd'hui. Ah oui, bon. Mais je serai là. Bah oui, bah on imagine bien, ouais. Bon bah merci Doudou, passez une bonne journée, passez un bon week-end. Ah oui. Et on vous retrouve lundi en pleine forme. Ah évidemment, je serai là. Et bah c'est parfait, tant mieux. Nous aussi on sera là d'ailleurs. Dans un instant on parle des anges de la télé-réalité, bien entendu. Et puis à 9h18 on va s'écouter le son d'Enrique Iglesias avec Pitbull. I like how it feels. Sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. It's my time. Enrique Iglesias sur Fun Radio. Et oui, avec Pitbull, c'est l'heure maintenant de parler de cette magnifique émission qui est Les Anges de la télé-réalité, évidemment, à 9h22. Il est temps, tout le monde me le réclame, mais il faut pouvoir en parler. Tout le monde attendait. Mais évidemment. Et donc, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus parlé des Anges de la télé-réalité à New York. Beaucoup ça passe. Trop longtemps. Bah oui, tous les jours à 19h10 sur Plug RTL. Et la semaine dernière, je vous avais déjà parlé de Kamel. C'est un ancien de Love Story 2, donc pas Secret Story, hein. Love Story, c'est l'ancêtre de la télé-réalité. Et donc, Kamel, donc, qui parlait super bien l'anglais. Tu peux lui dire qu'il faut s'entraîner parce qu'il a besoin d'exercice. You are very training because you are because exercice. Yeah, oui. Because very many. Et because exercice. Voilà. Bah oui, because. Mais oui, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi Benjamin qui maîtrise l'anglais. Hein. Benjamin, il a fait Top Chef 1 et il veut devenir restaurateur. Et du coup, bah, même quand il drague, bah, forcément, c'est un travail. Hein. Et elle n'est pas restée insensible à mon charme. Ça qui fait plaisir. You are eggs beautiful. I love you eggs. Hey. I love you eggs. Eyes of tiger. Non mais attends, mais comment est-ce qu'on peut ne pas retenir I? Enfin tu vois, c'est l'anglais, tu sais, enfin, on très bien qu'il lui dit quand même I love your eggs, oui, j'aime tes œufs. Mais oui, j'aime tes œufs, Julie. J'aime ton œuf. Ouais, j'aime ton œuf ou tes œufs. Au début, la première fois, il lui dit quand même tu es un œuf. Hein. Oui, c'est ça, your eggs. Après, il fait je t'aime œuf. Enfin bon, bref. Voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui se posaient la question sur Mickaël Vendetta, hein, eh bien, il va très bien, il est toujours aussi mégalo et toujours aussi pas drôle. Et ma présence sur le sol américain, ils ont évacué la Maison Blanche. Eh hey Benjamin, je vais être président des États-Unis. Washington, là, la Maison Blanche, elle est vide. Je vais l'envahir. Et à voir si les infos. Chef cuisinier de Vendetta, président des États-Unis. Voilà, donc quand je vous disais qu'il était toujours pas drôle, toujours aussi con et mégalo, ça n'a pas changé. Il est toujours Vendetta, quoi. Donc, toujours Vendetta. Change de registre, voilà. Hein, quand même, là, ça devient. Exactement. Tiens, Julie, petite question, là. Quand tu aimes quand t'aimes vraiment bien une chanson, ouais. Là, tu le dis comment? J'adore cette chanson. T'adores cette chanson? Ouais. Eh bien, notre ami Kevin, lui, de Dilemme, Kevin de Dilemme, hein, il a une autre méthode de le dire. J'ai écouté 10 secondes, je l'ai regardé, je lui ai fait comme ça, je suis parti manger une pomme. Il a compris que le son était. Que je trouvais que le son était génial. Ah oui, voilà. D'accord, ok. Donc lui, il part manger une pomme quand il aime bien. Donc sa façon à lui, c'est donc de manger une pomme. Oui, c'est ça, il mange une pomme. Je suis surexcité, je vais manger plein de pommes. Voilà. Voilà. Donc si vous aimez l'émission, si vous aimez Mickaël à la radio, vous allez manger une pomme. Quand il fait une compote de pommes, je te parle même pas. Hein. L'excitation est à son maximum. Ah bah bien sûr, mais surtout vous le dites à tout le monde que vous allez manger une pomme. Hein. Ah ouais, non mais c'est important. Il faut que les gens comprennent que vous aimez l'émission, que voilà, il faut qu'ils le comprennent. Ouais. Merde. Moi je dis, on va organiser une pomme party. Ah et oui, ouais, exactement. Bah ouais, complètement pour. C'est une très très bonne idée, une pomme party, effectivement. Oui. Bon, et puis comme on a un petit peu de temps encore et vous l'avez demandé, là, on va la remettre. Hein, parce qu'on a, on a évidemment revu et surtout corrigé les pubs de Dexia. Oui. Ouais, Family Plan, tout ça, il etc. Était temps de, bon, évidemment. De montrer la réalité. Ben voilà, il y avait une petite correction à faire. On s'est permis de la faire. De écoutez, oui, de rectifier. Vous nous dites si vous trouvez ça plus cohérent ou pas. 3044 par SMS ou mikael@funradio.be. Pour toutes les faillites qu'on a causées, pour toutes les sociétés qu'on a ruinées, pour les collectivités qui se sont endettées, pour tous les actionnaires qui ont perdu leurs économies et pour toutes les conneries qu'on a faites. Et ça, grâce à l'argent de l'État belge. Chapeau. Spécialement pour vous, Dexia crée New Faillite Plan. Parce qu'on ne va pas arrêter de s'en mettre plein les poches. Et que c'est vous qui allez continuer à payer. Découvrez tous les désavantages sur dexia.be/newfaillite plan. Avançons ensemble vers la ruine. Dexia. Et ben voilà, hein, donc on s'est permis une petite modification, hein, j'espère que ça dérange à personne. On a juste remis 2-3 trucs. À jour quoi. À jour, ouais, voilà. Voilà, c'est ça, parce que les pubs avant, on pouvait pas savoir qu'il allait se passer ça, donc bon, forcément, on a modifié quoi. Merci à nous, merci. Mais voilà, mais exactement, je me remercie chaque matin quand je me vois. Voilà. Ouais, c'est moi, un peu moins. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Bon, bah, passez une bonne journée, passez un bon week-end tout le monde. Rancard évidemment pour le replay des Mickaël à la radio. C'est tous les samedis et dimanches matin avec Yolande de 7h à 11h. Non, pas du tout, de 7h à 10h. Moi, je me mettais une heure de plus comme ça, mais en fait, non. Donc voilà, 7h-10h, le replay des Mickaël à la radio. C'est samedi et dimanche. Et on sera de retour, et bien sûr, en direct. Ce sera lundi dès 6h avec les iPhone 4S à vous offrir, les écrans plats également, ou aussi les packs Nintendo Wii. Voilà, comme ça, vous savez tout. Faites passer le message. On se retrouve lundi à partir de 6h. Bon week-end, Julie qui va à la mer. Oh, bah, c'est beau. Bon week-end, Mickaël. Mais oui, mais c'est gentil, merci. Bon week-end à tous. Mais oui, bon week-end à Toff. Julie. Qui va aller niquer, là, vu comment il est habillé. Ouais, il a sorti le costard. Bah là, c'est-à-dire qu'il a sorti le costard. Donc, à mon avis, il va se passer les doses. Oh là là. Ah bon, dans un instant, c'est. Un peu de vélo, peut-être, ce week-end, Mickaël. Un peu de vélo. Bah, probablement, vu le temps qu'il fait, là, même aujourd'hui, je pense, un peu. Ok, on prendra une nouvelle lundi. Bah, pas de problème. Pédaler. Ça va pédaler pas mal, ouais, ce week-end, je pense. Bon, voilà, passez une bonne journée. Et donc, dans un instant, c'est Lucas avec le self. Jasmine pour Pure Dance Floor des 13h. Et puis la self. Et puis pas du tout, et puis la tribu avec Evan et toute la tribu, il y aura aussi Alizé Polichek qui sera là donc dans le sel, dans, dans la tribu, ouais, je vais y arriver moi. Ah, mais je mange toutes les émissions. Michael part en week-end. Ouais, je pense, ouais. Et il y aura aussi bien sûr les Miss Wallon qui seront là, donc Toff va peut-être rester finalement un peu plus de temps à la radio, on sait jamais. Je ne sais pas. Bah, on va voir. Et puis Keep It Real bien sûr à partir de 20h avec Vince, DJ Man et toute l'équipe. Bonne journée tout le monde, ciao. Votre seule chance de gagner un écran plat toutes les heures, c'est d'écouter Mickaël à la radio tous les matins. Trouvez la réponse à l'énigme de Mickaël. Et vous gagnerez peut-être une de ces trois télés mises en jeu chaque matin. Ouais, c'est vrai. Vous cherchez vos bêtises, hein. Pour remporter le prochain écran plat, rendez-vous lundi dès 6h sur Fun Radio. Merci Fun Radio. Mickaël à la radio, la seule émission de Belgique à vous offrir une télé toutes les heures. Oh mon Dieu, j'aime bien son... Ah nom de Dieu. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor.